Le rôle de l'âme avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Avant d'entrer dans le sujet de la conférence, si on expliquait qu'est-ce que l'âme? C'est le sujet de la conférence. C'est le rôle de l'âme. Bon, l'âme, c'est un mot qui désigne plusieurs choses. Et c'est un mot qui est employé depuis longtemps dans l'éducation spirituelle ou ésotérique ou religieuse des masses. Donc, c'est un mot qui essaie de camoufler certaines réalités et qui essaie en même temps d'enseigner la réalité qui est camouflée. L'âme, c'est l'homme. On enseigne souvent que l'homme a une âme. Mais l'homme n'a pas d'âme. Parce que si toi, tu as une âme et que tu dois sauver ton âme, ça veut dire que toi, tu es autre chose que l'âme, mais quelle est donc l'importance de ton âme que tu aurais toi, qui n'est pas l'âme? Pourquoi toi, devrais-tu sauver cette âme-là pour que toi, tu vives? Alors, c'est quoi l'âme? Mais l'âme, l'homme n'a pas d'âme. L'homme est l'âme. Alors donc, automatiquement, l'homme qui a été éduqué par la religion et par l'ésotérisme, comme devant être altruiste, devant être prêt à donner sa vie pour un autre, ne peut pas vouloir se sauver lui-même. Par contre, pour aller non pas à l'encontre de l'enseignement religieux ou moral, disons, de ces époques-là, l'homme qui ne doit pas se sauver lui-même, parce que l'homme qui se sauve lui-même risque de perdre l'univers, selon l'enseignement traditionnel. Alors, l'homme ne doit pas se sauver lui-même, par contre, l'homme doit sauver son âme. Donc, l'homme doit se sauver lui-même dans l'entité cosmique, mais ne pouvant pas comprendre, justement, la différence entre l'entité cosmique ou l'entité planétaire sur les quatre plans par rapport à son entité typiquement matérielle où son identification va trouver refuge, alors, automatiquement, ben, on dit à l'homme, toi, tu ne dois pas te sauver toi. Par contre, sauve ton âme. Mais si tu sauves ton âme, tu te sauves toi. Mais si je te dis sauve-toi toi, tu vas vouloir détruire l'extérieur pour te sauver parce que tu n'es pas apte à comprendre. Donc, je te dis sauve-toi pas, mais sauve ton âme. Ce qui est la même chose. L'âme est très importante pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est l'homme. Maintenant, l'homme n'est pas que l'âme. Dans l'homme, il existe au minimum deux sortes de conscience. Présentement. On a la conscience atmique, la conscience de l'âme. On a la conscience de l'esprit. Mais la conscience de l'esprit telle qu'elle était enseignée quand on a commencé à enseigner l'idée de l'âme, au début de la chrétienté, pour la grande masse, mais ésotériquement chez les Esséniens et chez d'autres sociétés secrètes avant, l'esprit symbolisait le corps supérieur à l'âme, donc l'esprit symbolisait le corps mental naissant comparativement ou par rapport à l'âme qui était l'entité dans laquelle était identifié l'être humain. Donc, l'âme, c'est une enveloppe et c'est comme un œuf. Donc, l'œuf, ce n'est pas la coquille, l'œuf, ce n'est pas le blanc de l'œuf, ce n'est pas le jaune de l'œuf. Par contre, l'œuf, c'est tout ça réuni. Et le jaune de l'œuf, le poussin qui est en train de germer à l'intérieur, doit sauver l'œuf. Mais en sauvant l'œuf, il se sauve lui. Mais s'il veut se sauver que lui et qu'il ne pense être que le jaune, ben il risque de faire pourrir le blanc et la coquille et lui va mourir. Donc, étant donné que l'œuf, le jaune, c'est la densification des mémoires de l'homme, donc c'est l'ego de l'homme, lui il ne s'identifie qu'à lui et lui ne veut sauver que lui. Donc, si on lui enseigne de se sauver lui, il risque de détruire l'âme quand il n'est pas prêt à détruire l'âme. Parce qu'un jour, l'homme devra détruire l'âme. Comme le poussin brise l'œuf, mais pas tout de suite. Parce que l'homme n'est pas prêt. Comme le jaune d'œuf ou le fœtus à l'intérieur, ben, il n'est pas prêt. Alors, ce qui arrive, c'est que l'âme, c'est premièrement la coquille, donc l'enveloppe, donc le périsprit de l'homme. L'âme, c'est le blanc de l'œuf. C'est donc les mémoires volatiles de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas relié à l'identification propre de l'homme, mais par contre, qui fait partie de ses expériences. Vous n'êtes pas tous mécaniciens, mais vous avez dans vos expériences, certains d'entre vous du moins, l'expérience de changer une roue lors d'une crevaison. Ça fait partie des mémoires volatiles. ça ne fait pas partie de votre identification, de ce que vous appelez votre personnalité. Donc, ce sont des mémoires qui sont dans l'être humain, mais qui ne sont pas agglomérées sur l'ego, donc qui ne servent pas à l'identification de l'ego. Ça, c'est les mémoires volatiles, c'est aussi l'âme, c'est le blanc de l'œuf. Et l'âme, c'est aussi l'ego. Donc, l'âme, à l'intérieur de l'âme, va se trouver le siège de l'identification de l'homme, l'identification expérientielle de l'homme, son ego. Et l'âme, c'est tout ça. Voilà ce qu'est l'âme. Alors, si je comprends bien, le jaune d'œuf, c'est l'ego. Le blanc d'œuf, c'est l'âme. Et la coquille, c'est le périsprit. Non. L'âme, c'est tout ça. Le blanc de l'œuf, c'est les mémoires volatiles. OK. Alors, toi, tu inclus l'ego à l'intérieur de l'âme. Oui. Maintenant, si on prend un œuf comme tel, la démarcation entre le jaune et le blanc est très bien marquée. Est-ce que c'est la même chose pour l'ego? C'est aussi bien marqué, étant donné que c'est aussi bien marqué, mais le jaune d'œuf n'a pas conscience de sa limite. Par contre, un œil extérieur complètement à l'âme, lui est capable de voir où est l'ego, de quelle sorte d'ego il s'agit, de quelle classe de vibration d'ego il s'agit, donc dans quel astral il se trouve, astral spirituel ou matériel. Il est capable de voir quel genre de mémoire volatile l'âme possède, donc l'être possède, donc évidemment quel genre de vie il a vécu, même si ce n'est pas aggloméré sur son ego. Et il est capable aussi de voir la grosseur de l'œuf, donc savoir quel genre d'individu ça peut donner, ou à quelle race il va appartenir par rapport à son niveau d'évolution. Oui, mais lorsque tu dis l'homme est capable de voir tout ça... Non, l'homme n'est pas capable. C'est une personne ou un être qui est à part de l'âme, qui regarde un âme. Quelqu'un qui n'a plus d'âme. Oui, l'homme lui-même ne peut pas le faire ça. L'homme lui-même, non. L'homme voit des limites, il ne peut pas situer ces limites-là, donc il ne peut pas passer par-dessus ces limites-là. L'homme a un ego, l'homme ne connaît même pas la totalité de son ego. Ce qui fait que dans son ego, il y a des phénomènes de colère, des phénomènes de manipulation qui vont être inconscientes. Il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer au niveau de l'homme, au niveau de l'ego de l'homme, sans que l'ego lui-même puisse le connaître au complet. Pourquoi? Parce que l'ego n'est pas finalement personnalisé et l'ego, l'âme, l'astral de l'homme, donc l'âme, n'est pas encore arrivé à son contrôle. Donc, l'homme lui-même ne peut pas, lui-même, par rapport à lui, voir où se trouve son ego totalement. Parce que l'homme qui arrive à complètement identifier l'ego et à le personnaliser, c'est-à-dire à le délimiter radicalement des mémoires volatiles, donc à ne plus le laisser assujetti aux manipulations des mémoires volatiles, donc de l'astral individuel ou de l'astral planétaire, lui, il a déjà une idée de la démarcation, il commence à voir. Il a toujours une âme. Par contre, il ne peut pas, il peut entrevoir, mais il ne peut pas voir clairement où est la coquille, c'est-à-dire où est le périsprit. Et de quelle nature est le périsprit? Parce que la nature du périsprit, c'est-à-dire la nature de l'enveloppe de l'âme, c'est ce qui va te permettre, toi, d'être manipulé par une forme ou une autre forme de vibration. Alors, si tu ne connais pas la nature, tu ne peux pas la transformer, tu peux y aller d'une façon inconsciente, c'est-à-dire que tu crois, tu essaies, tu espères, par la foi, par la croyance, par la recherche de taux vibratoire supérieur, donc par la prière, par la méditation, par le contact vibratoire avec un autre individu, tu vas essayer d'augmenter la qualité de ton périsprit, donc de l'enveloppe de l'âme. Mais l'âme, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur du périsprit, l'âme, c'est tout ça au complet. Et l'âme, et c'est là, disons, qui est l'important de la chose, c'est que l'âme, c'est le pire ennemi de l'ego. L'âme est ce qui a fait naître l'ego. L'ego va s'exprimer sous forme d'orgueil, entre autres, et sous forme de peur, de crainte, mais qui sont tous des expressions diluées de l'orgueil. Par contre, l'ego a comme pire ennemi l'âme. Et même si l'âme est ce qui a justement généré l'ego, et même si l'âme est ce qui nourrit l'ego, et même si l'âme est ce qui permet à l'ego de ne pas être dilué parmi l'astral planétaire, parce que l'âme a une enveloppe, justement, et c'est ce qui individualise l'individu, c'est ce qui, on l'espère, du moins la masse l'espère, va survivre après la désintégration du corps physique, donc après la mort du corps physique. L'âme, c'est ce qu'il fait. Mais l'âme, c'est l'un des immenses freins à l'évolution, et l'âme, c'est le pire ennemi de l'ego, et l'âme étant un frein à l'évolution, c'est aussi ce qui va permettre l'évolution de l'ego, donc ce qui va permettre à l'ego de devenir de plus en plus fort, jusqu'à temps qu'il arrive lui-même à tuer l'âme, par absorption de toutes les mémoires volatiles, on va y revenir, et l'ego faisant ça va automatiquement, de par l'excès de vibrations qu'il va engendrer, donner la naissance à un corps mental extrêmement supérieur à l'intellect banal qu'on a présentement, et le mental va pouvoir subliminer l'ego, donc automatiquement il va pouvoir assujettir l'ego à sa propre énergie, et on va arriver justement à un individu qui n'aura plus de mémoire, plus d'âme et plus de problèmes. Plus de périsprit à ce moment-là. Ah non. Alors, ça permet un accès direct avec certaines forces cosmiques, j'imagine, mais il faut quand même à ce moment-là que l'ego ou ce qui reste, le véhicule physique, soit en mesure de discerner certaines sortes de vibrations. Dans le travail de l'âme, l'homme n'a rien à discerner. C'est un travail qui se fait à l'insu de l'homme. L'homme ne le sait pas et il n'y a aucun discernement nécessaire entre, justement, le travail de l'âme par rapport au travail de l'ego. Parce que l'âme s'en occupe présentement, mais moi, je faisais référence au moment où l'homme va se débarrasser de son âme, où il a accès directement avec l'énergie. Mais il n'y aura même plus besoin de discernement non plus rendu à ce niveau-là. Parce qu'il ne sera plus manipulé par les forces astrales, c'est-à-dire que l'homme ne recevra plus aucune manipulation, donc aucune forme énergétique manipulatrice astrale. Donc l'homme va être en contact seulement et direct avec les énergies supérieures ou les énergies supramentales, ce qui fait que rendu à ce niveau-là, l'homme n'a plus besoin de discernement. OK, maintenant on dit ceci, Daniel, là. Le pire esprit protège l'individu de l'énergie, de l'âme, de la planète. Il protège maintenant, et la planète et l'individu. Oui, mais au sein de l'âme de la planète, on a individuellement chacune âme. Oui, le pire esprit-là protège et la planète et l'individu. OK. Le pire esprit de l'individu, de l'âme de l'individu, le protège contre l'astralité de la planète, contre l'âme de la planète, de façon à ce que ce ne soit pas n'importe quoi qui entre dans l'âme de l'homme. D'accord? Mais au moment où ça n'y est plus, tu parles qu'à ce moment-là, l'individu va avoir accès à une énergie supérieure. J'imagine que tu fais référence au supramental ou bien le Saint-Esprit ou qu'on l'appelle comme qu'on voudra. Mais à ce moment-là, n'ayant plus cette enveloppe protectrice, qu'est-ce qui va se produire? Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne âme et une âme mauvaise ou une mauvaise âme? L'âme, c'est l'enveloppe, c'est l'œuf dans lequel va germer l'identification de l'homme. Et une des expressions de l'ego à l'extérieur de l'emprise de l'âme va être le corps physique, qui va être manipulé par l'ego et qui va être transformé par l'ego parce que l'ego s'identifie au corps physique. Même si l'ego est dans l'âme, une expression hors âme va être le corps physique, qui va être évidemment dirigé par le corps vital. Maintenant, l'âme lui-même, dépendant des mémoires volatiles, c'est-à-dire dépendant donc du blanc de l'œuf, hein? Ce blanc d'œuf-là, ces mémoires volatiles-là, qui sont ton expérience, mais qui peuvent être, évidemment, autres que l'expérience d'une entité ou l'expérience d'un autre. C'est-à-dire que si ton âme, elle est mauvaise, c'est que même si ton ego, même si toi, tu veux faire le bien, mais que tu le fais mal, mais que tu veux manipuler, il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, puis quand on dit faire le bien, évidemment, je parle par rapport à la morale religieuse, par exemple, parce que le mal et le bien, c'est quelque chose qui existe dans notre monde, à nous autres, mais le mal, ce n'est pas ce que l'homme pense. Et puis le péché, ce n'est pas ce que l'homme pense non plus. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est quelqu'un qui a une âme sale, une âme ternie, une âme, une mauvaise âme. C'est simplement quelqu'un qui, dans sa mémoire volatile, va avoir une forme vibratoire tellement basse, c'est-à-dire assujettie au plan astral matériel, donc même au plan astral plus bas que la matière. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, l'individu lui-même ne peut pas permettre cette forme d'âme-là, ne peut pas, non seulement nuit à l'évolution de la planète, en ce sens, elle a une mauvaise âme, mais elle ne peut pas non plus permettre à l'ego d'arriver à pouvoir éclore. Pourquoi? Parce que l'ego, lui, est en lutte continuelle contre une énergie supérieure. Parce que l'ego s'identifie à lui et la tendance de l'énergie supérieure est de forcer l'ego à ne pas s'identifier à lui. Parce que le problème de l'homme, c'est qu'il s'identifie à lui. C'est que l'homme se croit lui-même, donc l'homme se creuse un fossé entre lui et l'extérieur, donc entre lui et l'univers, donc entre lui et toutes les formes d'énergie qui existent et même les énergies supérieures. Alors automatiquement, ça c'est l'ego qui va susciter ça et automatiquement, l'ego a un problème, il lutte contre Dieu. Donc, ça c'est un de ses problèmes. Par contre, l'ego lui évolue dans la mémoire volatile contenue par le périsprit. Donc, l'ego évolue dans le cœur de l'âme, évolue dans l'âme. Maintenant, si la matière blanche de l'œuf est pourrite, Le poussin ne peut pas évoluer. Au même titre que ton âme, si elle est sale, tu as un maudit problème. Par contre, on peut, par la vibration, donc par le contact, par la prière, contact vibratoire entre un individu hautement évolué, tu peux arriver à ternir, c'est-à-dire à blanchir ton âme, donc avoir une bonne âme, ce qui va te mettre en relation avec un plan astral spirituel, parce que la vibration des mémoires volatiles vont transformer le périsprit, donc l'enveloppe de l'âme, et automatiquement, tu vas avoir contact, tu vas être en contact avec des mémoires spirituelles de l'astral. Maintenant, l'affaire qu'il y a. Pourquoi l'âme est un handicap et pourquoi l'âme est le pire ennemi de l'ego qui, lui, doit lutter contre les énergies divines? Puis ça, c'est le problème de l'évolution de l'homme. L'homme qui, justement, a son orgueil, a son identification, et plus l'homme arrive à se conscientiser, souvent, plus l'ego va grossir. Et le problème à l'intérieur de ça, c'est que l'âme lui-même est le filtre des vibrations spirituelles ou des vibrations supramentales ou supra-astrales qui vont descendre. Ils vont devoir traverser l'enveloppe de l'âme. Ils peuvent être déformés par l'âme jusqu'à temps qu'un canal, c'est-à-dire que les énergies qui vont descendre et qui vont être brûlées, puissent faire un canal pour permettre à l'énergie, disons, supérieure, supramentale, mentale, par exemple, de descendre, de venir par l'intermédiaire du mental qui va être le siège d'attraction énergétique, toucher l'ego et obliger l'ego à lutter contre. L'ego, en luttant contre, on l'a vu la semaine dernière, va automatiquement avoir besoin de nouvelles ressources, donc il va puiser dans sa mémoire volatile, dans ses expériences, pour essayer de consolider sa base. Donc automatiquement, il va vider la mémoire volatile et va réduire la densité, la grosseur de l'âme en vidant le blanc bleu, c'est-à-dire qu'il va se nourrir, comme le poussin, et l'ego va légèrement grossir, mais toujours en lutte contre de plus en plus d'énergie supramentale ou d'énergie supérieure qui vont descendre. À un moment donné, le périsprit va venir toucher l'ego. Et il va être lui aussi absorbé par l'ego. Mais le handicap là-dedans, pourquoi l'âme est le pire ennemi de l'homme? Malgré qu'on ne doit pas détruire notre âme, elle va s'auto-détruire grâce à l'ego. Mais ce qui va arriver, comme le poussin va briser la coquille après avoir absorbé tout le blanc de l'œuf. Hein? Pourquoi c'est le pire ennemi? Ben c'est ça. C'est que ce qui t'englobe, toi, limite tout ce que tu fais, donc te manipule. Et le pire manipulateur de l'ego, c'est l'âme, c'est-à-dire sa nourriture. Alors toi, tu veux te nourrir. Tu es en lutte contre les énergies divines qui veulent te transformer. Mais toi, ta nourriture, c'est une âme sale. Donc ta nourriture, elle est pourrite. Ton ego qui reçoit ça ne fait que baisser son taux vibratoire. Donc il lutte plus facilement contre les énergies divines parce que son âme, elle est impure. Je fais des relations, évidemment, entre l'enseignement traditionnel. Alors ce qui va arriver, c'est que si tu arrives à purifier ton âme, mais purifier l'âme est dans l'astral. Le pire teintage de mémoire volatile, donc de la matière blanche de l'âme, c'est le karma. Et le karma étant la pire source, disons, de rabaissement vibratoire, pourquoi? Parce que le karma te met en relation directe par l'intermédiaire du périsprit avec des faits accomplis dans un temps passé, donc avec des faits mémoriels présents. Et ce karma-là, te mettant en contact avec ça, si ce sont des actions qui, comme telles, de par leur valeur vibratoire, sont basses, donc on appelle ça des actions mâles, automatiquement, ton ego, lui, va pouvoir se nourrir, non plus seulement de la mémoire volatile de son âme, mais aussi des mémoires volatiles de l'âme planétaire. Alors, ce qui fait que quand l'individu est en contact parce que manipulé par des énergies planétaires, ben l'individu, pour arriver à pouvoir détruire son périsprit, détruire sa mémoire volatile, il devra, disons, absorber toute la mémoire volatile de la planète. Donc, ce qui est absolument impossible, parce qu'il y a en masse d'êtres humains qui s'occupent de la remplir, cette mémoire volatile-là. Bon. Donc, l'individu devrait ne plus avoir de karma, c'est-à-dire l'individu devrait ne plus avoir aucune attache mémorielle avec des faits accomplis qui sont non pas enregistrés seulement dans sa mémoire à lui, mais dans la mémoire de la planète. Tu peux détruire ta mémoire à toi, mais tu n'arriveras pas, toi, à détruire la mémoire de la planète. Ce qui fait que tu dois absolument détruire ton karma, donc détruire toutes les empreintes qui vont, vibratoirement parlant, te mettre en contact avec la même source vibratoire dans le domaine de la mémoire planétaire. Alors moi, je prends mon verre d'eau, je le lance au visage de quelqu'un, c'est enregistré dans ma mémoire, mais c'est enregistré dans la mémoire de l'individu, c'est enregistré dans toute la matière ambiante qui a pu assister à l'événement. Mais dans mon enveloppe à moi, mon âme m'entourant, j'ai en trace ceci. Et le pire karma interne va être le karma relatif, donc celui que je vais m'imposer moi-même de par ma morale. Alors, si je regrette puis que ça me traumatise, je rabaisse mon taux vibratoire. Mais si j'arrive à, par le pardon, par exemple, à croire que j'ai plus rien, ben, effectivement, j'ai plus rien, parce que c'est le péché, c'est du domaine de l'homme. Seul l'homme peut éclairer ça. Bon, alors j'arrive à... J'oublie ça. Alors, c'est très facilement assimilable par l'ego, digérable par l'ego, pour lutter contre les énergies divines, donc les énergies supramentales pour l'instant, qui est le premier père dans les cieux. Et, à un moment donné, j'arrive à digérer tout ça. Mais si, par contre, je suis assujetti à mon karma, c'est-à-dire que j'ai toujours en mémoire le fait d'une action accomplie dans le genre, alors automatiquement, par ma vibration, par ce karma-là que j'ai en moi, ce karma relatif-là, que je m'impose, je suis donc en contact avec la mémoire de l'individu, de l'autre individu, et la mémoire de la matière qui enregistrait ça, donc la mémoire volatile de la planète, donc le blanc de la planète, le blanc de l'œuf de la planète. Et automatiquement, avant de pouvoir digérer ça, vu que j'ai une porte ouverte dans mon périsprit sur l'extérieur, ben plus je digère, c'est-à-dire que plus le poussin bouffe du blanc, plus il y a de blanc qui rentre. Le poussin ne peut pas grossir. Bon, et la coquille ne brisera pas, elle va s'étirer, mais il ne se passe rien pareil. Tu ne fais que grossir ta mémoire volatile et pour arriver à ne plus avoir de manipulation amenée par l'âme ou l'âme planétaire, tu devras assimiler, c'est-à-dire digérer complètement ton âme pour désintégrer le périsprit. Et là, l'astralité planétaire ne peut plus te manier parce que pour manier l'homme, l'astralité planétaire doit passer par l'astral de l'homme. Et l'homme n'ayant plus d'astral, pas parce qu'il le désire, parce qu'il n'y en a plus, ça a été digéré, ça a été, disons, haussé en vibration, transformé par les énergies supramentales ou les énergies divines, et automatiquement, il n'y a plus de prise pour manipuler l'individu. L'âme lui-même, c'est comme l'air. Tu t'en vas avec ton auto, et qu'est-ce qui manipule ton auto? Disons, c'est le vent, c'est l'air. Mais l'air, tu t'en fous de l'air. Par contre, si l'air commence à avoir un déplacement, ça devient du vent. Toi, tu t'en rends pas compte, mais ton auto se promène un peu plus, tu uses plus tes pneus, tu gaspilles beaucoup plus de sang, et tu prends plus de temps, si tu gardes ta même vitesse, à arriver dans un lieu. C'est-à-dire le même poids sur l'accélérateur. Par contre, si ce vent-là accélère, il se transforme en ouragan, là, tu te rends compte que tu es manipulé par le vent. Et si se transforme en tornade et que ça passe directement où c'est ton véhicule, ben là, tu n'as plus le choix, c'est évident que tu es manipulé. Tu risques de même jamais le savoir. Alors, l'individu qui est dans son ego, qui est dans son âme, lui vit le même phénomène. Il n'est pas manipulé par l'âme. C'est moi, c'est l'ego qui décide. Mais l'ego décide quoi? Il décide que ce qui lui est permis par son âme. Donc, l'ego ne peut pas. L'ego est manipulé par l'âme. L'ego est un manipulateur, mais il manipule l'extérieur et il se bouge lui-même, mais il ne sait pas pourquoi. Pourquoi tu es en colère tout d'un coup et pourquoi tu ne l'es pas à un autre moment donné vis-à-vis du même événement? Ben, si tu as assimilé dans ton âme une parcelle qui te mettait en colère, elle ne peut plus te manipuler. Mais si l'expérience te ramène la même forme de vibration, ben, un mois après, tu peux revivre l'événement et être encore en colère. Alors, c'est l'âme qui manipule l'ego. Et l'âme a donné naissance à l'ego. Parce que l'ego vient de l'âme et grossit de plus en plus en absorbant l'âme. Le rôle de l'âme, c'est de nourrir l'ego pour que l'ego il y ait. Et l'ego, de par son identification, va donc créer, on l'a vu la semaine dernière, va donc créer la naissance de l'intellect qui, lui, va se muter en mental et lui, de par son taux vibratoire, va pouvoir absorber et attirer l'énergie divine. Donc, il va pouvoir rentrer en contact avec le premier père dans les cieux et non plus avec le père dans le ciel, le père astral, celui qui est lié à l'astralité planétaire. Le Dieu créé par l'homme. Exactement. Il est très difficile de t'interviewer, Daniel, parce qu'à chaque fois qu'il me vient une question à l'esprit, tu réponds clairement à la question qui me passe par la tête. Mais si on regarde peut-être une autre facette de l'âme, dans ce sens qu'on a prétendu et on prétend depuis très longtemps que l'âme est énergisée par la souffrance. Est-ce Exactement. Que tu es d'accord avec Absolument. Ça? Absolument. Peux-tu commenter là-dessus? Bon. Premièrement, qu'est-ce, comme on l'a vu la semaine dernière, qu'est-ce qui va obliger l'ego à devoir se chercher des moyens pour se rassurer? Donc, qu'est-ce qui va pousser l'ego à vouloir remplir son âme? Donc, qu'est-ce qui va pousser l'ego à vouloir accumuler de l'expérience pour pouvoir grossir son âme, donc pour pouvoir énergiser son âme? Bien, ça va être simplement la peur, ça va être les souffrances psychologiques ou physiques, parce que la souffrance physique, elle va entraîner la peur de ressouffrir, d'avoir le même stimuli physique. Alors la souffrance, elle va donc faire obliger l'ego, premièrement, à grouiller sur sa base, c'est-à-dire qu'elle vient prouver à l'ego qu'il n'est pas ce qu'il pense être, qu'il n'est pas finalitaire dans son évolution, qu'il n'est pas le centre de l'univers, et surtout, qu'il n'est pas le maître à bord. Donc, automatiquement, l'ego bouge à l'intérieur de l'âme, et l'ego essaie d'avoir des contacts extérieurs, l'ego essaie de comprendre, il essaie de voir, pour se rassurer, et seulement pour se rassurer. Donc, automatiquement, l'ego va ramener des connaissances qui, s'ils peuvent directement aller vibratoirement parler avec lui, viennent faire partie de l'ego. Mais c'est souvent rare. Donc, ils vont surtout, les connaissances que l'ego va ramasser, vont surtout servir, justement, à remplir l'âme. Et comme ces connaissances-là, si tu apprends comment clouer ou comment ferrer un cheval, ça rentre pas dans ton esprit ou dans ton âme sous forme d'un cheval en train de se faire ferrer. Ça rentre sous forme d'énergie qui peuvent être transmutées en savoir dans par les neurones de ton cerveau. Alors, automatiquement, la souffrance, donc, c'est une des formes d'énergisation de l'âme, mais il y a plusieurs autres formes, mais en l'occurrence, celle-là. Et quand l'ego se brise lui-même par la souffrance, l'ego est obligé de se transformer. Et là, c'est important, disons que c'est le plus gros des moyens d'énergisation de l'âme par la souffrance. Et la souffrance va être surtout amenée à l'ego par l'âme. C'est l'âme surtout qui va vouloir faire bouger l'ego pour l'amener. La souffrance, elle fait quoi? La souffrance, elle détruit l'ego, premièrement, et en même temps, elle renforce l'ego. C'est-à-dire que la souffrance va prendre l'ego comme il est, et l'ego va vivre des choses, l'ego va interpréter ces choses-là, les mémoires de l'âme vont venir manipuler l'ego, les mémoires internes, l'expérience, autrement dit, exactement comme si tu entends la musique chez le voisin, ça monte, ça descend, c'est pas grave. C'est dans la mémoire expérientielle, dans les mémoires volatiles. Ça fait pas partie de l'ego. Une heure après, ça recommence, ça redescend. Mais c'est comme ça depuis un mois. À chaque heure, ça monte, ça descend. Mais à un moment donné, c'est trop. Pourquoi? Parce qu'à la longue, à force de ramasser dans ta mémoire expérientielle une forme d'énergie, ça finit par faire un bloc que l'âme va pousser sur l'ego. Et l'ego va l'absorber. Mais là, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que la même chose, parce que tu l'as en mémoire, finit par te taper sur les nerfs. Mais si c'est la première fois, c'est pas grave. La deuxième fois, c'est pas grave. La troisième fois, ça commence à être grave. La quatrième fois, là, ça commence. La cinquième fois, t'en as assez. Pourtant, c'est le même stimuli, le même phénomène. Mais c'est dans la mémoire expérientielle de l'âme, et l'âme l'envoie sur l'ego. Qu'est-ce que ça devrait opérer sur l'ego? Ça devrait détruire l'ego. Mais l'ego ne peut pas être détruit. Pourquoi? Parce que la parcelle expérientielle qui arrive à l'ego ne peut détruire que certaines parties de l'ego qui ne sont pas suffisamment soudées. Et qu'est-ce qui reste suffisamment soudé? Ben, normalement, ça va être des phénomènes qui, eux, vont être liés avec le mental parce qu'eux autres vont être sûrs d'eux autres parce que le phénomène même de l'ego qui va rester ensemble, c'est un ego qui a pu expérimenter dans le domaine de la vie son identification. Tu crois être Dieu? Par contre, une parcelle de l'ego qui sait qu'elle n'est pas Dieu. Et si une chose arrive et frappe l'âme, ben les parcelles, je suis Dieu, mais je contrôle rien. Ça peut être détruit. Donc, ça réénergise l'âme, parce que l'ego, l'âme reprend des parcelles. Donc, le blanc d'œuf repuise dans le jaune d'œuf pour se nourrir. Par contre, la parcelle qui déjà, elle, savait qu'elle n'était pas Dieu, elle n'est pas ébranlée, et l'expérience qui vient justement d'être vécue renforce cet ego-là. À ce moment-là, est-ce que ça serait canaliser l'énergie? C'est-à-dire que, oui, ça pourrait être une forme, mais elle est involontaire, incomprise et immanipulée par l'ego et par l'âme. L'âme ne sait pas ce qu'elle fait et l'ego ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça que je te dis qu'à ce niveau-là, le discernement n'est pas nécessaire. Tous les êtres humains sur la Terre vont arriver, à un moment donné, à avoir un mental. Et ça, une fois qu'ils ont un mental, là, le discernement est nécessaire. Mais sans discernement, tu arrives quand même à avoir un mental. Le problème, c'est quand tu commences à te fier au mental et que l'astral te joue des tours, là, il faut un discernement. Mais veut pas au niveau de l'âme, ben l'âme va essayer par la souffrance de détruire l'ego. Et l'ego va se renforcer, il va être quand même détruit, c'est-à-dire égrené, émietté, mais il y a des grosses parcelles de l'ego qui restent, et lentement, on finit par former un ego qui est en relation, ou disons, en accord, entre guillemets, avec le plan de vie dans lequel il est placé. et lui va pouvoir être placé en harmonie par l'intermédiaire du corps mental qui, à la longue, va être formé et qui, à la longue, va être énergisé par le corps supramental ou par l'énergie supramentale. Si on prend... Si on prend l'œuf comme tel, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme représentation du corps supramental? L'air ambiant qui va pouvoir nourrir le poussin à la sortie de l'œuf. Okay, mais encore là, disons qu'on est dans le domaine de la matière, on ne peut pas pousser les relations trop loin. OK. Maintenant, si ça on revient. Plaisir, là, je te dis l'air ambiant. Mais... OK. Si on revient à l'exemple, le tableau que tu nous as brossé, du type qui écoute la musique chez le voisin, qui monte, puis qui descend à tous les heures, puis qui finit par l'agacer. On sait que si l'individu sait canaliser les émotions, les énergies, à ce moment-là, ça ne lui tombera pas sur les nerfs. À l'intérieur du tableau que tu as brossé tantôt, qu'est-ce qui se produit lorsqu'un individu canalise cette énergie-là, puis lorsqu'il ne la canalise pas? Bon, l'énergie qui va être canalisée, c'est-à-dire que tu reçois une impulsion, elle va dans ta mémoire volatile. Si le mental, parce que pour canaliser, il faut évidemment que le mental se mette en opération. L'astral ne canalisera pas. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que le mental enregistre l'impulsion, lui va porter un jugement, c'est-à-dire que l'impulsion comme telle, elle ne vaut rien. Elle n'est pas stressante pour le corps physique, elle n'est rien. Donc, lui, il la laisse aller au niveau des mémoires volatiles. C'est la seule différence quand tu canalises, c'est que le mental vérifie ce qui se passe. Bon, au niveau de l'homme normal. Alors, automatiquement, l'astral, si lui veut envoyer quelque chose, c'est automatiquement, disons, perçu par l'ego, qui lui, évidemment, faisant confiance au mental, tout ce que le mental enregistre ou filtre, l'ego est au courant. Parce que c'est l'ego qui a bâti le mental, justement, ou l'intellect, pour pouvoir connaître d'une façon analytique, logique par rapport aux lois régissant à l'extérieur. Parce que la logique ne dépend que des lois régissant à l'extérieur. C'est ça la logique. Hein? Une logique qui ne fit pas avec les lois qui régissent l'extérieur, c'est une logique illogique. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que lui, notre ego, voit le mental filtré et le catalogue, c'est-à-dire qu'il, disons, met une forme d'énergie après l'impulsion qu'il a reçue, et c'est le relégué au niveau des mémoires volatiles. Si, à un moment donné, l'âme renvoie cette accumulation d'énergie-là sur l'ego, ben l'ego le reconnaît et l'ego ne s'en fait pas parce que l'âme, c'est-à-dire que le mental l'a déjà vérifié. Par contre, ce qui est compliqué, et c'est là que le discernement, dans un individu qui commence à avoir un mental supérieur, mais pas un supramental, un mental, disons, commence à être assez gros. En voie de développement. Oui, lui doit avoir le discernement. Pourquoi? Parce que normalement, ce qui va arriver, c'est que tout ce que l'âme envoie à l'ego et qui n'a pas été filtré par le mental avant, ne peut pas être filtré par le mental après. Alors, automatiquement, tu es manipulé. Mais quand le mental devient suffisamment évolué, donc énergisé par l'énergie supramentale, entre autres, alors automatiquement, le mental va être capable, lui, de maîtriser l'ego. Donc, toutes les impulsions de l'âme ou de l'âme planétaire, donc les manipulations astrales planétaires, qui arrivent à l'ego, l'ego, avant de bouger, automatiquement, l'ego va permettre au mental d'analyser l'information et là, le mental va discerner si ça vient d'en bas ou si ça vient d'en haut, de l'astral ou du supramental. Et là, le mental, qui lui est capable maintenant de manipuler, disons bien, l'âme et l'ego, ben, automatiquement, va faire en sorte que l'ego ne bouge pas à cette attaque ou à cette agression de l'âme. Alors, c'est là que va intervenir le discernement. Mais avant ça, le discernement, il est impossible. Si toi, tu canalises l'énergie, l'information, l'âme, dans l'âme, ça va être enregistré, mais sous une forme de mémoire astrale qui va être teintée de mental. Et si l'âme renverrait ça à l'ego, l'ego reconnaît, ah non, ça a déjà été analysé par le mental. Par contre, ce que le mental n'a pas analysé, ce qui est déjà dans ton âme à toi, si ça s'est précipité sur l'ego pour l'attaquer, ben l'ego va réagir comme il va pouvoir réagir. Ça détruit l'ego, mais ça renforcit l'ego. Lorsque tu parles d'analyser par le mental les énergies, est-ce que tu fais référence à l'observation? Non. Quand tu analyses mentalement, l'observation, c'est une forme d'analyse qui est faite, disons qu'on pourrait, je dis non, puis c'est oui, mais c'est non. C'est que si tu observes, c'est analysé, mais inconsciemment par le mental, parce que plus l'observation se rapproche de la réalité, moins elle est temporelle. Donc, il n'y a pas d'analyse, mais disons que c'est l'analyse suprême. Tu peux analyser aussi par raisonnement. L'intellect est capable d'analyser par raisonnement le phénomène. Par contre, l'ego peut encore être manipulé par une interprétation, disons, raisonnable de l'intellect. Mais si tu observes, plus l'observation va se rapprocher de la perfection, moins elle va être assujettie au temps, donc moins elle va être sujette à être manipulée par l'astral, donc plus elle va être parfaite, donc plus elle va être sujette à être manipulée par le supramental, et automatiquement, bien évidemment, là, oui, l'astral, l'âme ne peut pas s'emparer de l'information pour détruire l'ego. Maintenant, si on regarde au niveau de la planète Terre, on sait que la planète a une âme parallèle à l'individu. Est-ce que c'est le même phénomène qui se produit? Oui, c'est le même phénomène qui se produit au niveau de la planète, sauf que c'est dans des temps différents. Parce que, disons que chaque être humain représenterait une cellule de l'œuf planétaire. Alors, ce qui fait que toutes les fois qu'une cellule éclot, alors on bâtit jaune de l'œuf planétaire. Alors, ce qui fait que c'est le même phénomène, mais c'est pas dans le même temps. Quand je disais que l'astral, le périsprit, de l'âme, de l'homme, protège et l'homme et la planète, c'est que l'individu lui-même qui a un périsprit, s'il n'en avait pas, il serait détruit, c'est-à-dire que les vents astraux le dilueraient dans l'astral planétaire. Il n'y aurait pas d'âme individuelle. Non. Il y aurait un âme comme on en connaît chez certaines formes d'espèces de végétaux et chez certaines rares formes d'espèces d'animaux. Parce qu'ils ont des âmes de type communautaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'âme individuelle. Collective. Et ça, ils sont régis par une âme qui va être collective, une âme de communication. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'homme lui-même, qui vit sa propre expérience, ben, il va être capable, lui, à la longue, d'arriver à faire en sorte qu'une cellule, disons, de l'œuf planétaire puisse arriver à sa finalisation. Si on n'avait pas de périsprit, toutes les expériences enregistrées par un véhicule physique irait automatiquement à l'intérieur de l'œuf planétaire et ça prendrait des millions et des milliards et des milliards d'années de plus pour que la Terre arrive à son chemin, disons, final d'évolution, final par rapport à l'identification planétaire, ça va de soi, et non pas final par rapport à l'identification universelle. Alors, ce qui va arriver, c'est que, vois-tu, l'âme lui-même, quand l'âme a commencé, disons, l'âme individuelle de l'homme, quand cette âme-là est apparue sur la Terre, c'est quand il y a eu tentative de liaison entre la race humaine blanche avec une race violette qui, elle, a été amenée, d'ailleurs, de l'extérieur de la planète Terre. La septième race mère de l'évolution planétaire, présentement, on fait partie de la cinquième race mère et la majorité des individus font partie de la race teutone, de la cinquième sous-race de la race blanche. Maintenant, il y a plusieurs individus présentement qui font partie de la sixième et de la septième sous-race. La sixième race mère, c'est la race bleue, et la septième race mère, donc la plus évoluée sur le plan planétaire, c'est la race violette, qui a déjà été vivante sur la Terre, mais par certains conflits, c'est-à-dire que, à un moment donné, la race violette a décidé de faire mieux, et elle s'est mixée avec la race blanche aryenne sur la Terre, et ça l'a donné l'homme qu'on a ici, c'est-à-dire que ça l'a immensément fait évoluer l'homme, par contre, ça l'a empêché le plan divin d'arriver à ses fins. Alors, au lieu d'avoir une race violette débutante, une race blanche, puis on doit passer par le reste des races. Alors, ce qui est arrivé au début, quand l'homme est apparu sur la Terre, tout ce que ça l'a donné, l'âme planétaire manipulait l'homme, et cet homme-là, l'âme planétaire, était manipulé par une forme d'énergie supérieure qui était capable de manipuler l'âme planétaire parce qu'il n'y avait pas d'ego dans l'âme planétaire. Et à cette époque-là, l'âme n'était pas l'ennemi de l'ego, l'âme était au service, disons, des énergies supérieures, et l'âme était absolument utile. Elle devait être détruite à un moment donné pour éliminer l'identification planétaire, mais l'âme était utile. Ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, il y a des égos, et ça, c'est l'apanage de la planète Terre. Il y a des égos qui se sont formés chez les individus qui se sont mixés à la race violette, qui, eux, étaient déjà amifiés et égocentrisés. Donc, ils avaient une identification au niveau de la race violette, mais différemment de la race de l'homme. Et quand cette race violette-là, disons les Adamiques, c'est-à-dire Adam et Ève, mais disons que les quelques milliers d'Adam et Ève, de la race violette se sont mixées à la race blanche débutante de cette époque-là, ben, automatiquement, ils auront fourni l'ego par génétique et ils auront, leur ont fourni aussi une possibilité d'avoir un intellect, on l'a déjà dit, et automatiquement, ça l'a donné à l'homme l'enveloppe périsprique, la mémoire volatile, l'ego, c'est-à-dire qu'au lieu d'être identifié à une race divine, on est identifié à moi-même. Bon, et par après, suite à des peurs, ben on s'est réidentifié à un peuple de Dieu, mais un Dieu dans le ciel, un Dieu qui était régi par la mémoire volatile de l'âme planétaire, et puis un Dieu des cieux. Alors, si on regarde l'évolution de cette race-là par après, ben automatiquement, tu as maintenant l'individu identifié à lui, tu as l'âme, et tu as la parcelle mentale donnée par la génétique immédiate de la relation sexuelle entre la race violette et la race blanche, et ce mental-là étant trop périmé, parce que c'était pas le temps, mais la race violette a voulu faire ça plus vite pour aider, pour aller plus vite, parce que la race violette, disons que le temps qu'elle vivait, elle, son temps à elle, c'est absolument différent du temps humain. Donc, dans le temps humain, c'était pas le temps. Et automatiquement, ben, l'homme avait un astral supérieur et un mental débutant. Sa forme génétique physique ne lui a pas permis, c'est-à-dire son cerveau, ne lui a pas permis de pouvoir canaliser une énergie mentale suffisamment avancée pour pouvoir manipuler l'astral, donc pour pouvoir manipuler l'âme qu'il venait d'avoir par le contact avec la race adamique. Donc automatiquement, l'ego a manipulé l'intellect et ça a continué à gonfler l'âme, parce que l'âme en a profité pour manipuler l'ego qui était insuffisamment puissant, et là, ça a gonflé les âmes. Donc on en est rendu avec tout le monde des âmes, tout le monde des égos, tout le monde des mémoires volatiles. Et puis, à un moment donné, ben, il va se passer le processus inverse. Ça va tout se digérer et disparaître. Basé sur tes explications, est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce qu'il serait juste de dire que lors du mixage entre la race violet et la race blanche, il y avait vie impersonnelle à ce moment-là, chez l'individu? Il y a toujours, d'ailleurs, vie impersonnelle. Et puis... Oui, dans un certain sens, mais disons que pour faire ma comparaison, parce je suis obligé qu'il n'y avait pas d'ego, il y avait vie impersonnelle. Exactement, oui. C'est ce que je voulais en dire. Alors, il y avait vie impersonnelle. On a donné un ego à l'homme pour se donner une personnalité qui, éventuellement, va falloir qu'il devienne impersonnel. Oui, parce que les choses qu'il a eues, il les a eues avant son temps. Il n'était pas prêt. L'homme n'était pas prêt à vivre éternellement, parce que l'homme n'a pas la vibration suffisamment nécessaire pour arriver à faire ça. Et l'homme n'était pas prêt non plus à avoir une parcelle analytique en lui. Un début mental, un intellect, qui lui permettrait de connaître les choses extérieures d'une façon analytique et logique. Donc, tu connais automatiquement, de par rapport à toi, les choses qui sont bonnes pour toi et les choses qui sont mauvaises pour toi. Mais l'homme a eu cette connaissance-là quand l'homme n'était pas suffisamment développé pour non pas en recevoir une parcelle, mais en recevoir le plein montant. La race humaine devait, par contact vibratoire, mais exclusivement là, évoluer au contact vibratoire de la race adamique, donc de la race violette, et évoluer physiquement dans sa biologie suffisamment pour avoir un cerveau suffisamment développé pour pouvoir recevoir une entité mentale suffisamment avancée pour pouvoir manipuler l'astral. Et là, ça aurait été intelligent que ça se fasse. Mais la race violette s'est mélangée trop rapidement avec la race humaine et le cerveau n'était pas suffisamment avancé. Par contre, le reste l'était. Le cerveau était en train de se développer d'une façon adéquate. Et automatiquement, ben, l'homme a eu tout ce qu'il fallait et la partie intellectuelle, mais trop minuscule. Exactement comme si tu mets entre les mains d'un débile mental des armes nucléaires. Ben, les armes nucléaires, il y a tout ce qu'il faut physiquement pour s'amuser avec. Par contre, il n'y a pas ce qu'il faut pour gérer ou pour régir la manipulation qu'il en ferait. C'est ce qui est arrivé à l'homme. L'homme n'était pas prêt à recevoir les armes nucléaires, disons, par rapport à notre arriéré mental. L'homme était insuffisamment développé dans sa matière physique pour pouvoir supporter ou servir de support à l'énergie mentale qui serait transférée par la génétique en même temps que les énergies égoïques astrales. Alors donc, ça s'est fait avant le temps, et l'homme qui était impersonnel jusqu'alors est devenu personnel, c'est-à-dire qu'il est devenu identifié à lui, et il a pu se servir du mental qui, lui, n'était pas identifié et personnalisé. Donc, il a pu se servir de prendre le mental comme esclave et puis bâtir l'humanité qu'on a connue. Et là, c'était le fiasco total, c'était le deuxième fiasco d'ailleurs. Daniel, ceci m'amène à penser que dans le cosmos, naturellement, on sait aujourd'hui qu'on a, sur nos bases, disons, humaines, on peut dire qu'il y a plusieurs erreurs qui se font. Mais la loi de la précipitation, si on regarde, par exemple, au niveau réincarnatif, il y a beaucoup d'entités qui se réincarnent, ils se précipitent. Ils font ça trop vite. Alors, à ce moment-là, ce que tu parles de la race violette, c'est la même chose qui est arrivée. C'est le même phénomène. Ils payent pour, c'est-à-dire l'humanité paye pour, puis quand l'entité se réincarne par cette loi de précipitation-là, qui est pressée à le faire, à ce moment-là, ils payent pour de la même façon. L'homme est toujours pressé. J'ai déjà dit, Dieu a créé le... Ce qui arrive, c'est ça. Si tu regardes juste ta précipitation, qu'est-ce qui se passe? L'individu qui est précipité, l'esprit qui veut se réincarner, la race violette qui fait ça trop vite, l'homme lui-même qui agit souvent trop rapidement. On voit la même chose dans l'évolution, dans le cheminement. Pourquoi? Parce que le désir que tu as, par exemple, de fonder une famille, le désir que tu as de n'importe quoi, et surtout quand c'est moralement ou spirituellement élevé, plus c'est élevé, moins c'est dense. Ça va de soi. Et plus c'est dense, moins c'est élevé. Bon, je dis ça pour qu'on me comprenne bien, là. La matière, elle est dense. Et la matière, non seulement elle est dense en matière, mais elle est dense en espace et en temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps est relié à l'espace et ça donne la matière qui a le temps d'exister et ça donne une évolution de la matière, donc un déplacement, hein, une désagrégation ou une amélioration. Et dans la matière, le temps est régi selon une certaine chronologie qui est d'ailleurs maîtrisée et contrôlée par la matière. Dans ton corps vital, c'est un temps qui est moins dense, parce qu'il est exprimé dans une forme d'énergie, dans une matière moins dense. Donc, le temps est plus long. Et dans un temps astral, où vont naître tes désirs, le temps est moins dense encore, et automatiquement, tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, tu as moins de limitations temporelles, parce que tu n'es pas écrasé par le temps. Tu peux donc prendre du temps à réfléchir comme réfléchir à une vitesse extraordinaire. Tu es moins limité par le temps parce que moins compressé par le temps. Et plus tu vas aller au niveau mental, au niveau supramental, moins le temps va devenir ton ennemi. Alors toi, tu as une idée dans l'astral où le temps est carrément différent du temps matériel et là, tu veux implanter cette idée-là dans la matière, mais c'est pas le temps. Parce que dans la matière, avant que la chronologie de la matière arrive à être en harmonie temporelle avec l'idée, ben, ça prend plus de temps dans la matière. Donc, tu deviens patient dans ta chronologie astrale. Alors, la loi de précipitation, c'est la même chose. Tes entités qui se réincarnent, qu'elles soient vitales, astrales, mentales, parce qu'il y a plusieurs formes d'entités qui se réincarnent sur un individu, ben, eux autres sont dans l'astral. Mais l'enfant qui naît, ben, eux autres sont pressés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est bâti dans l'astral, c'est prêt. Et l'astral, bien évidemment, c'est prêt, il mange rien que la matière. Alors, tu le mets dans la matière. Non, c'est pas le temps de le mettre dans la matière. Le mental a l'intelligence d'attendre le temps. Et il se lie à l'astral, au niveau des réincarnations. L'énergie supramentale a évidemment l'intelligence d'attendre avant de se lier au mental. L'énergie mentale attend avant de se lier à l'astral. L'énergie astrale, elle n'est pas intelligente. Et elle est assujettie à des manipulations typiquement planétaires, et elle ne connaît pas d'intelligence. Et elle est donc pressée, impatiente. Tout est prêt, c'est parfait, on y va. Puis dans matière, est-ce que c'est prêt? T'arrives ici pour découvrir que non. Mais t'es dedans, là. Ceci m'amène aussi à penser, dans le même sens, que présentement, sur la planète Terre, il se produit les deux extrêmes. Car les jeunes qui naissent avec des cerveaux prêts, plus prêts pour recevoir l'énergie supramentale, et l'autre côté, moins prêts. Mais ça, c'est simplement un phénomène génétique dans le temps. Les temps s'en viennent où, justement, cette énergie-là va pouvoir descendre parce que les entités qui vont se réincarner vont choisir les bons corps. Le temps matériel commence à se rapprocher, disons, des espoirs de différents prophètes bibliques, des espoirs de différents grands maîtres qui, en fin de compte, sont devenus des divinités et des idoles. Le temps matériel commence à pouvoir concrétiser ce que Robindo a déjà pensé, ce que d'autres ont déjà pensé et vécu bien avant eux autres, et c'était pas le temps. Mais là, ça commence à être le temps. Tu as une idée dans l'astral de fabriquer un avion, mais la science matérielle peut pas fournir les pièces. Les industries peuvent pas machiner les outils. Mais ça a été le problème de plusieurs inventeurs qui étaient avant leur temps. Mais c'est quoi être avant ton temps? Ben, c'est simplement ça. C'est que toi, au niveau mental, au niveau astral, tu es plus subtil, donc moins écrasé, moins manipulé par le temps, et tu veux mettre ça dans la matière, mais ta matière n'est pas plus subtile, ou tellement peu plus subtile que l'extérieur matériel, que le temps, tu ne peux pas le manipuler là. Mais quand l'homme arrive à augmenter son taux vibratoire, même matériel, ben évidemment, il arrive à vivre plus longtemps. Mais c'est pour ça qu'il y a une loi de précipitation sur la Terre, c'est que dans la matière, le temps n'a pas la même chronologie que le temps vital, que le temps astral, que le temps mental, que le temps supramental. L'énergie de l'hyperespace, c'est quand l'homme va arriver à sortir de son continuum limité temporel pour aller dans une autre forme de temps et d'espace. Et selon les théories de nos géo-astrophysiciens, entre autres, ben, un individu qui arrive à traverser dans l'hyperespace voyage dans le temps à une vitesse efférente. C'est-à-dire que lui, ça prend une heure, même la matière physique, et quand il revient dans son temps, dans son univers à lui, ben, tous ses amis sont morts et enterrés depuis longtemps. Bon, c'est simplement que si tu arrives à vivre dans un domaine, ben là, c'est une théorie, c'est-à-dire que l'homme physique va-t-il pouvoir traverser? Bon, j'ai même vu à un moment donné que les savants pensaient fabriquer une machine pour créer des trous noirs, pour pouvoir traverser dans l'hyperespace. Ils savent pas si c'est là, mais en tout cas, ils veulent créer des machines pour créer des trous noirs. Ça bon. Crée un égo plus fort. C'est ça. Puis le trou noir, c'est supposé absorber des soleils. Fait que imagine-toi ce qu'il va faire des bonhommes. Mais enfin, alors ce qui arrive, c'est que tout ce qui se passe au niveau du temps et de la précipitation, ben, ton égo vit dans un temps à lui. Hein? Une journée, ben, il trouve que le temps passe vite, une autre journée, il trouve que le temps passe lentement. Lui, il est pas manipulé par la limite réelle du temps. C'est-à-dire qu'il y a sa limite réelle matérielle. Sa limite à lui, elle est là, sauf qu'il peut jouer avec. Le temps est moins densifié et la matière l'est moins aussi. Donc, il peut se permettre un taux vibratoire plus rapide. Selon les observations de plusieurs gens qui avaient un grand bout de chemin de fait dans la conscientisation sur la planète Terre, on a remarqué que justement, il y avait eu par disons, des entités ou des, disons, ceux qu'on appelle les maîtres du monde, on pense que c'est eux, qui ont provoqué de la grande souffrance sur la planète Terre. Si on fait référence, par exemple, à la guerre, les deux guerres mondiales, on sait, c'est assez facile à voir quand on fait une analyse complète de tout ce qui a été les manipulations qu'il y a eu pour provoquer ces deux guerres-là. Alors, à ce moment-là, si on fait référence à ce que tu disais tantôt, que ça énergise l'âme de la planète, est-ce que chez l'individu, à l'intérieur de l'individu, il y a quelque chose qui le pousse à passer à travers certains événements pour souffrir aussi? Ben, c'est-à-dire que si l'individu est manipulé par l'âme, l'individu va vouloir souffrir. Et l'âme ayant été ce qui a manipulé le plus les contingents religieux sur la planète, automatiquement, l'âme a demandé à l'ego de souffrir. Alors, l'individu va vouloir passer souvent par la souffrance et longtemps, et en plus, l'ego peut même finir par penser qu'il, lui, doit souffrir parce que dans ses mémoires, il ne connaît que souffrance. Alors, il peut pas arriver à penser qu'il peut vivre convenablement. Alors, de là, l'expression « on est né pour un petit pain ». Bon, alors, t'es pas né pour un petit pain, mais si tu veux prendre un petit pain, ben bouffe un petit pain. C'est tout. À un moment donné, tu te rendras compte que tu peux bouffer ce que tu veux aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que dépendant de la manipulation qu'a l'âme et automatiquement de l'extérieur sur l'âme, ben, l'individu va vouloir souffrir. La souffrance, je l'ai déjà expliqué, c'est un refus de la mémoire de vouloir être transformé. Alors, automatiquement, ben, l'ego va souffrir. Pourquoi? Parce que l'ego doit perdre des morceaux. C'est avec l'ego qui souffre pas l'âme. L'ego perd des morceaux parce qu'il y a souffrance. Mais l'ego se renforcit, même si l'âme s'énergise. Et l'ego se renforcissant, il va essayer, lui, de plus en plus, de rester en relation étroite avec ce qui va le rassurer le plus, ce qui va le renforcer le plus. Et à un moment donné, on va assister à une désagrégation de personnalité égoïque qui ne fit pas avec l'ego principal. Donc, ça renforcit d'une façon réellement terrible l'ego, qui, lui, va se placer sous la protection du mental, puis par après, on va avoir une digestion de tout ce qui est là, et qui tout ce qui est autour dans la mémoire volatile n'est pas aggloméré ensemble. Ce n'est pas une force de frappe tellement terrible. Par contre, vu que c'est régulier et que l'ego, lui, ne comprend rien, ça devient terrible. Mais l'ego est beaucoup plus fort en termes de résistance que toutes les particules mémorielles qui peuvent pas s'agglomérer ensemble. s'ils commencent à s'agglomérer, ils deviennent une deuxième source d'identification dans l'âme, donc une deuxième individualité, une deuxième personnalité, mais normalement, ça va être automatiquement détruit par l'ego ou assimilé par l'ego. Et l'âme n'a pas intérêt à faire ça parce qu'il y a danger que l'ego s'empare automatiquement du petit ego qui essaie de naître. Le degré de compréhension du phénomène fait en sorte que ça peut disparaître. Est-ce que c'est relié directement avec le taux vibratoire de la personne? Quand je parle compréhension, je parle savoir, le savoir. Parce que c'est pas nécessairement une compréhension intellectuelle qui va faire en sorte que l'âme va se désagréger comme telle. Alors, est-ce que nécessairement il faut que le taux vibratoire de la personne soit élevé pour qu'il y ait ce savoir du phénomène? Automatiquement, parce que le taux vibratoire qui va être là va être l'expression justement du savoir, donc de l'élévation de l'ego, de l'assujettissement de l'ego mental. La vibration qui parle, c'est un phénomène qui est l'expression de ce qui se passe dans l'individu. Alors automatiquement, l'individu a un taux vibratoire élevé quand il y a absorption des mémoires volatiles ou quand il y a densification de l'ego, mais assujettissement de l'ego. Parce que l'ego, avant d'être détruit, c'est-à-dire avant d'être assimilé au mental, donc avant d'être fusionné au reste des corps, ben l'ego va s'identifier totalement. Mais l'ego n'arrive pas à être personnalisé tant qu'à l'intérieur de lui, il y a différentes parcelles qui ne fitent pas tout à fait. Et c'est ces parcelles-là qui souffrent et qui sont détruites par l'âme pour que l'âme puisse s'en nourrir. Mais l'ego, lui, arrive de plus en plus à être totalement un bloc de ce qu'il est, lui, sans agglomération. Donc, plus l'ego va se personnaliser, plus l'ego va transformer la vibration de la mémoire volatile en ce qu'il est, lui. Alors, c'est pour ça qu'un ego personnalisé va être capable de faire les voies du père mental et non pas les siennes, parce qu'il est capable de s'assujettir au mental, parce qu'il n'y a pas de conflit continuel à l'intérieur de lui-même et de son âme. Et un ego personnalisé n'a presque plus de mémoire volatile, donc il n'a presque plus d'âme. Plus l'ego se personnalise, disons, plus l'âme devient petite. Jusqu'au moment donné où l'âme va être assimilée à l'ego, puis l'ego va être dirigé par le mental qui va approcher la personnalisation. Donc, lui va commencer à faire les voies du Père dans les cieux. OK. Si on regarde ça, Daniel, d'un point de vue cosmique, tout le cheminement que tu viens d'expliquer, ça fait quoi dans le cosmos, ça? Dans le cosmos, ça fait simplement que ça ne regarde pas l'homme pour l'instant, que l'homme n'arrivera pas à comprendre ça, parce que déjà même que le phénomène de l'âme est une chose difficilement compréhensible par l'homme. Par contre, c'est une chose qui est importante que l'homme puisse comprendre le fonctionnement même des mécanismes qui l'autorégissent, parce que l'homme est manipulé par lui, c'est-à-dire que l'âme, c'est l'homme, et dans l'homme, l'homme s'identifie une certaine parcelle de lui-même, et l'homme cherche le manipulateur souvent à l'extérieur. Mais il y a manipulation de l'extérieur parce que c'est permis par un manipulateur intérieur qui manipule l'ego, et l'ego manipule le mental. Alors, de voir ce que ça fout dans le cosmos, disons que présentement, on a vu ce que ça faisait sur la Terre, on a vu même d'où ça venait un peu. Alors, je pense que présentement, on a assez de matière à regarder sans aller voir ce qu'une entité extraterrestre ou ce que Dieu en pense quand tu regardes la planète Terre. Sorti de la conférence du 28 septembre 1984, période de questions. De mémoire, il me semble avoir déjà lu ou entendu ou peut-être une certaine phrase du genre telle que « Celui qui voudra sauver son âme la perdra et celui qui la perdra la sauvera. S'il vous plaît, peux-tu nous expliquer ton interprétation et cette citation était-elle du Nazaréen, soit Jésus? » Oui, c'est ça, Théo. C'est que la citation vient du Nazaréen, donc de Jésus. Et disons que lui, c'était le premier qui est venu parler de l'âme en voulant dire que justement, il fallait pas te sauver ton âme. Et celui qui va perdre son âme, justement, ou perdre à cause de lui, là, la gagnera. Mais ce qu'il va gagner, c'est pas l'âme, évidemment. Par contre, le Nazaréen était en avance de son temps, puis constaté. Pas encore réussi à appliquer ce qu'il disait le 2000 ans. Mais tout à l'heure, moi, les enseignements sur lesquels je faisais référence, c'était les enseignements donnés par les autres hommes par l'intermédiaire d'une religion bâtie sur le dos du Nazaréen. Mais le Nazaréen, en disant ça, ben effectivement, avait raison. L'homme ne doit pas sauver son âme. C'est évident. Résumé, Avoir de la misère à s'adapter dans la matière, savoir que l'homme est manipulé par l'esprit et que l'homme ne peut rien faire, l'ego se révolte et ne peut plus rien savoir du monde. Question. Est-ce un début ou état de changement mental face à l'énergie de se foutre de tous? L'énergie est froide. Claude. Bon, premièrement, il y a se foutre de tous, c'est l'ego. L'ego se fout de tout. Et l'ego, dans le tout, ben, ce qu'il ne se fout pas, c'est ce qui lui rapporte de quoi. Et quand ça lui rapporte plus, ben, il se fout de tout. Ça, c'est typiquement l'ego, c'est typiquement humain aussi. Maintenant, quand on parle se rapporter à l'ego global, pas aux petites parcelles de l'ego qui veulent avoir un biscuit, puis l'ego complet qui veut plus rien savoir de personne. C'est l'ego global. Alors, avoir de la misère à s'adapter dans la matière, ben, c'est simplement l'ego, effectivement, qui a de la misère à régir le temps matériel, à faire une correspondance entre son temps psychologique, donc le temps astral, le temps psychologique de l'homme, par rapport au temps de la matière. Maintenant, ça, savoir que l'homme est manipulé par l'esprit, l'homme est manipulé par n'importe quoi, parce qu'encore là, il faudrait savoir quel homme qui est manipulé. Parce que si on parle de l'homme physique, il est manipulé par l'astral. Si on parle de l'homme astral, il est manipulé par l'astral. Si on parle de l'homme mental, il est manipulé par l'astral. Si on parle de l'homme vital, il est manipulé par l'astral. Mais l'homme qui se plaint d'être manipulé, c'est l'homme astral, l'homme psychologique. C'est lui qui se plaint d'être manipulé, il est manipulé par lui. C'est-à-dire que il y a plein de contradictions à l'intérieur de cet homme-là, donc de l'âme, de l'astral, de l'individu. Et l'homme, l'âme, là-dedans tout seul, il devra faire par une entité intelligente, donc par le mental. Est-ce un début d'un état de changement mental face à l'énergie de se foutre de tous? Non, c'est simplement une évolution normale de l'ego. Et l'ego est continuellement en transformation, soit en solidification, soit en désagrégation. Alors la solidification va être menée par le mental, puis la désintégration par l'astral pour l'instant dans l'état actuel des choses. Et c'est une manifestation simplement de l'ego qui peut être aussi bonne qu'elle pourrait être, disons, néfaste pour l'individu. Chose qui est sûre, c'est que se foutre de tous ou de tout, c'est pas nécessairement mauvais. Mais perdre le respect pour tout, ça, c'est absolument mauvais. Et ce que j'entends par respect, c'est pas un respect moral, pas un respect parce qu'on doit respecter. Tu respectes pas le premier ministre du Canada parce qu'il est premier ministre du Canada et parce que tout le monde le respecte. Ce respect-là, c'est un respect moral, c'est un respect idiot. Tu respectes parce que le mental est capable de voir que chaque chose a une place. Et quand la chose est à sa place, ben ne bouge pas la chose de là. Donc, tu respectes. Ça, c'est le vrai respect, disons, qui va être donné par le mental chez l'homme. Se foutre de tout, oui, peut-être. Mais respecter. Si tu veux absolument te foutre de tout, tu rentres dans un salon mortuaire, puis tu pars à rire, puis tu commences à pousser des farces, un service en attire un autre, etc. La ligne est morte quand tu prends le téléphone. Bon, je sais pas. Ben évidemment, disons que tu te fous de tout, mais... Les individus qui sont là sont pas aptes, vibratoirement parlant, alors ce qui fait qu'il y a un respect. C'est-à-dire que chaque chose est à sa place, faut pas se perturber, les choses sont à leur place. Qu'est-ce que l'atome germe? Et quel est le rapport entre lui et l'âme, Richard? Bon, l'atome germe, premièrement, c'est un mot hein, qui peut définir immensément de choses. Le rapport entre lui et l'âme... Ben, vois-tu, Richard, l'atome n'est pas la matière, n'est pas l'égrégat, le début de la matière, parce que l'atome est constitué de plusieurs choses. Disons que je ne remarquerai pas trop à l'intérieur de ça, parce qu'en plus des électrons, des neutrons et des protons, ben, il y a d'autres phénomènes qui constituent ces choses-là. Et l'âme n'est pas atomique dans le sens matériel de l'atomicité. Par contre, l'âme, elle est atomique, mais c'est pas une atomicité comme la matière. Alors, ce qui fait qu'on rentrerait dans des contours légèrement scientifiques et pas mal trop compliqués. Est-ce que la loi d'attraction joue un grand rôle à ce moment-là? La loi d'attraction joue un rôle dans tout ce qui est régi par le temps. Donc, automatiquement, dans la matière, comme dans le vital, comme dans l'astral, comme dans le mental, comme dans le supramental, comme dans le bouddhique, comme dans le divin. Tout ce qui est limité par la matière, dans l'univers, qui va être justement spatio-temporel, dans lequel, par hasard, évolue la planète Terre, au fin fond d'un univers, dans le fin fond du perdu, Ben, tout ça, c'est régi par la loi d'attraction, donc la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est une loi qui attire, et qui parle d'attirance parle de déplacement, puis le déplacement, c'est la même chose que le temps et l'espace. Alors, ce qui fait que c'est évident que ça, c'est les mêmes lois vont régir l'atome matière, l'atome germe, que les atomes au niveau vital, au niveau astral, au niveau mental. Maintenant, à un moment donné, c'est plus des atomes de matière comme on va connaître au niveau, par exemple, de l'atome... Tel que la science le connaît présentement. Est-ce que l'âme est un monde d'entités qui manipule l'homme par le biais de la pensée? Et quand l'homme devra briser l'œuf, il devra détruire l'âme ou le monde d'entités pour être libre? La question est, est-ce qu'il devra détruire l'âme ou le monde d'entité? Bon, l'homme n'arrive à se libérer que s'il se libère, lui, de lui-même. Alors ça, c'est la base même de la transformation de l'humanité. C'est quand l'homme arrive à se changer, lui, et en prenant comme point de repère pour vérifier son changement, lui. Moi, je suis bon par rapport à moi. Je suis plus bon qu'un gars qui est bon par rapport à un autre. Alors, est-ce que l'âme est un monde d'entités qui manipule l'homme? L'âme est une entité au même titre que le corps physique est une entité matérielle. L'âme est une entité astrale. Maintenant, le domaine des morts va être régi par des lois qui vont aussi régir le domaine des vivants du côté de l'astral. Avec, évidemment, une facilité, disons, beaucoup plus grande, étant donné qu'il n'y a pas la limitation du corps physique et les attractions mentales. Parce que dans le domaine des morts, sachons-le, le mental ne se trouve pas là. Dans le domaine des morts, il n'y a que l'identité même qui lutte pour rester en vie, c'est-à-dire qui lutte pour rester identifié. Dans le domaine des morts, il n'y a que l'astral. C'est là qu'il y a les fantômes, c'est là qu'il y a un paquet de copines dans le genre qui s'amusent par le biais de l'astral vivant, donc de l'astral relié à un corps physique, à faire peur et à manipuler les individus. Alors, l'âme, c'est l'homme identifié. L'âme, c'est vous autres. Vous avez chacun une âme, c'est-à-dire qu'en réalité, le mental a une âme, le vital a une âme, le physique a une âme, puis la psychologie, vous autres, c'est-à-dire ce que vous êtes réellement, vous êtes l'âme. Et vous êtes une entité astrale en tant qu'âme et physique en tant que matière, expression de l'ego dans la matière. Et quand l'homme devra briser l'œuf, c'est-à-dire que quand l'œuf lui-même va être digéré par l'ego, il devra détruire l'âme ou le monde d'entité. Les mondes d'entité, on s'en balance parce que automatiquement, si vous détruisez les cordes qui servent à manipuler la poupée, ben vous, la poupée n'est plus manipulée ni par les cordes ni par l'utilisateur. Alors, ce qui fait que la poupée, disons la marionnette qu'on manipule avec des cordes, ben elle n'a pas besoin de tuer l'utilisateur pour être libre. Juste couper les cordes, ça suffit. Et après ça, ben les cordes, il n'y a plus rien. Il a beau vouloir, l'utilisateur, il ne peut pas rien faire. Dans le domaine de la matière, il pourrait rattacher les cordes. Dans le domaine humain, présentement, ça, c'est impossible parce que les énergies supérieures vont s'occuper du manipulateur s'il veut rattacher les cordes. Alors, ce qui fait que l'homme, non seulement, il ne doit pas détruire le monde des entités, mais il ne peut pas. Détruire le monde des entités, ça veut dire que quand moi, j'arrive à me parfaire, je vous détruis tous vous autres. Pour être sûr que vous n'irez pas nourrir l'astral planétaire, pour être sûr qu'elle ne recommencera pas à me manipuler. Il faudrait que je détruise l'humanité complète. Et ça, il y a déjà des races qui ont pensé ça, qui ont voulu détruire les bases, les pignons de l'astral planétaire dans le domaine de l'homme. Et le dernier à avoir tenté d'éliminer les vestiges karmiques les plus, disons, empêcheurs dans l'évolution de l'homme, empêcheurs par rapport à un concept, une partie de la visualisation de la réalité, ça a été Adolf Hitler, quand il voulait exterminer les Juifs, et par après, d'autres races. Mais ça n'a rien réglé de problème aux autres, alors ce qui fait que si l'homme arrive à détruire son âme ou à se libérer lui-même, ben non seulement il ne peut pas détruire les entités, mais si je détruirais les entités, ça veut dire qu'il faudrait que je balaye le reste de la Terre au complet. Je resterais pris avec la Terre comme différents grands maîtres sont pris avec la Terre. Peux-tu nous expliquer la différence entre l'âme sœur et l'âme jumelle, Diane? Bon. L'âme sœur, c'est une espèce de forme astrale qu'on appelle une âme et qui est reliée à un corps différent ou qui est en sanation, donc dans l'attente de recevoir un corps, donc de se réincarner. Bon. L'âme sœur, c'est une âme qui, de par sa vibration, va coordonner d'une façon presque parfaite avec l'âme sœur. Donc, l'autre âme. Parce que quand on a une âme sœur, ben, il y a deux âmes sœurs, ça va soi. Pour chacun son âme sœur. Alors, ce qui fait que l'âme sœur, c'est une forme vibratoire similaire, masculine ou féminine, hein? C'est-à-dire que le corps physique peut être masculin ou féminin. L'âme sœur, c'est une forme de vibration astrale qui va à ravir avec la vibration égoïque et amifique de l'individu. L'âme jumelle, c'est simplement quand on a, puis les âmes jumelles, il y en a plein sur la Terre, beaucoup plus que d'âmes sœurs d'ailleurs. L'âme jumelle, c'est quand un individu apparaît, c'est-à-dire que lors de la réincarnation chez la race humaine, typiquement humaine, celle qui a été fusionnée à la race violette à un moment donné, lors des réincarnations humaines, il y a plusieurs formes d'ego qui se réincarnent pluralitairement dans un individu, et cet ego-là se réincarne, disons, dans sept individus en même temps, et sept autres égos se réincarnent dans les sept mêmes individus, ce qui va créer une forme, disons que ça, on en a déjà parlé pas mal en profondeur lors de la conférence sur la réincarnation, mais ces individus-là qui vont naître et qui ont plusieurs formes d'égocentricité chez eux, on a une réincarnation pluralitaire, devront la fusionner, et automatiquement, ben, tous les individus qui, les véhicules physiques, qui sont les supports des mêmes personnalités réincarnatives, deviennent donc, ont donc des âmes similaires, et ce sont des âmes jumelles. Au même titre que des jumeaux ou des jumelles, par exemple, qui vont naître du même ovule. Alors, c'est l'âme jumelle, c'est différent, et selon l'expérience de chacune de ces âmes jumelles-là dans leur domaine de vie différent, parce que les âmes jumelles ne naissent pas de la même mère, très rare, les âmes sœurs, ça peut arriver. Par contre, les âmes jumelles vont naître dans différents contextes sociaux et contextes matériels qui vont leur donner une expérience différente et qui va automatiquement les différencier de façon à ce qu'ils ne soient pas âmes sœurs, parce qu'automatiquement, ben, il y aurait une tentative de l'astral de reformer les entités antérieures de par la mémoire, puis les entités matérielles, vivantes, physiques, les êtres humains, auraient des sacrés problèmes. Alors, ce qui fait que c'est la différence entre l'âme sœur et l'âme jumelle. Et on ne doit pas rechercher son âme sœur, on ne doit pas rechercher son âme jumelle, on doit s'en balancer. Si tu attaches deux oiseaux l'un à l'autre, bien qu'ils aient quatre ailes, jamais ils ne voleront. Alors, c'est bon. Est-ce que lorsque l'individu, Daniel, n'a plus d'âme? C'est plus un individu. D'accord. L'être qui n'a plus d'âme, qu'est-ce qui arrive à son plan physique vis-à-vis l'âme sœur? Vis-à-vis l'âme sœur? Alors ça, il n'y a aucun rapport. Si l'être qui n'a plus de d'âme n'a automatiquement plus d'âme sœur. OK. Est-ce que... À moins que l'âme sœur n'ait plus d'âme. OK. Ce qui est pas possible, parce que si à ce moment-là... Les cheminements devraient marcher parallèlement parce qu'ils se sont incarnés avec le même taux vibratoire. C'est-à-dire que tout dépend toujours de l'âme sœur. Elle est similaire à l'autre et, non pas identique, similaire. Et par attrait vibratoire, l'une compense pour les problèmes de l'autre. Alors, ce qui fait qu'ils vont presque se relier ensemble. C'est pas nécessaire qu'ils se marient dans le domaine de la matière. OK? Ça peut être juste au niveau de phénomènes astraux que ça peut se passer. Donc, tu peux connaître ton âme sœur, mais consciemment, tu ne le sais pas. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ton expérience physique transforme aussi ton âme. Alors, l'âme sœur qui a déjà été, disons, vantée par certaines traditions ésotériques, certaines écoles qui prônaient ça, la recherche de l'âme sœur, marie-toi avec l'âme sœur. Ben, tu peux te marier avec l'âme sœur, mais dans 15 ans d'ici, l'âme sœur risque d'être une âme frère ou une vraie sœur, tu chicanes avec. Hein? Alors, pourquoi? Parce que les deux contextes sont différents dans leur vie, à moins que les deux se marient, travaillent à la même place, fassent toutes les mêmes choses à la même place en même temps. Ce qui, dans le domaine de la matière, est impossible. Parce que si tu te casses une jambe, il faudrait que je me force en crime pour passer la même expérience que toi. Mm-hmm. Bon. Alors, ce qui fait que les âmes sœurs, c'est des phénomènes qui existent, c'est des phénomènes authentiques, mais le travail avec l'âme sœur, chez l'homme, ça peut pas fonctionner. Pour plusieurs raisons. L'âme sœur d'un individu, si toi tu rencontres ton âme sœur, tu vas pouvoir détecter que c'est l'âme sœur. Mais quelle est la parcelle de l'ego en toi qui est assez parfaite pour pouvoir savoir que cette âme sœur-là fit avec lui ou avec les parcelles non complètes ou avec les parcelles non fusionnées de l'ego ou avec les parcelles qui désagrègent l'ego? Qui va décider que l'âme sœur fit avec quoi là-dedans? Mon âme sœur à moi, est-ce que c'est mon mental qui est en vibration? Mon astral qui est en vibration? Mais quelle partie de l'astral qui vibre avec quoi? Une forme d'âme sœur, c'est quand, physiquement parlant, deux individus tombent en amour l'un de l'autre. Mais c'est là, ils s'entendent, c'est parfait. Mais il y a des choses qui fitent. Mais dans tout l'égrégat complet de l'ego, ben quand l'ego, là, qui ne fit pas avec l'autre, va revenir à la surface, l'âme sœur de l'autre, ça va être quoi? Deux âmes sœurs absolument parfaits, qui sont totalement personnalisées, qui sont totalement identifiées, c'est des âmes sœurs en voie de disparition. Et ce sera plus des âmes sœurs, ça peut être des mentales sœurs. Donc, dire qu'à ce moment-là, il y avait plus de chances que deux âmes sœurs se rencontrent et que ça fonctionne lorsqu'il y avait une évolution moins rapide sur la planète. Exactement. Plus l'évolution est lente, plus ton âme sœur va pouvoir vivre avec. Deux choses. Moins tu vas vivre longtemps, puis plus l'évolution va être lente, bien plus ça va être utile, disons, de rencontrer une âme sœur. Mais quand tu vis 50 ans de plus qu'avant, parce qu'avant on se mariait pour la vie, mais on se mariait, puis au bout de 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, on mourait. Maintenant, tu te maries pour la vie, puis au bout de 75 ans, t'es encore en vie. Fait qu'à un moment donné, les âmes sœurs, puis tout le tralala, ça marche plus. Alors, ce qui fait que plus l'homme va vivre longtemps, plus il va avoir de l'expérience, plus les âmes sœurs vont être déformées, et plus l'homme va évoluer rapidement, moins les deux vont être capables de suivre. C'est plus ou moins normal. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs âmes sœurs? T'en as une, disons, à charge sur le moment, mais au cours de ta vie, et il se trouve qu'effectivement, oui, tu as rencontré plusieurs âmes sœurs. Selon ton taux vibratoire. Plus tu vas augmenter ton taux vibratoire, plus les âmes sœurs vont avoir tendance à se grouper autour de toi. Tout ce qui monte converge, et puis les taux vibratoires de chacun des individus vont attirer les âmes sœurs, ce qui fait que normalement, tu devrais arriver à pouvoir avoir, disons, plus tu vas avancer, plus tu vas avoir d'attraction, plus tu vas finir par pouvoir rencontrer tes âmes sœurs. Mais l'âme sœur, il faut toujours savoir que dans le domaine de l'homme, une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation. Et puis, l'union de l'homme avec l'homme est toujours limitée. Puis ça, tant que l'homme va être ce qu'il est, il faut absolument que ça se souvienne de ces deux phénomènes que l'homme pourrait prendre plaisir à appeler loi. Disons que c'est deux lois qui régissent l'évolution de l'homme. C'est qu'une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation parce que l'union est limitée entre les hommes. Pourquoi? Comme tu l'as dit, parce que l'évolution de chaque être humain est de plus en plus rapide, ce qui fait de plus en plus différent aussi. Est-ce qu'il y aurait une relation, je ne dis pas que c'est ça, là, mais est-ce qu'il y aurait une relation entre l'initié qui n'a plus d'âme et l'androgénéité? Vois-tu, être androgène, c'est ne plus avoir de différenciation sexuelle. L'initié qui n'a plus d'âme et qui a un corps, présentement, a toujours un corps sexué. Pour arriver à l'androgénéité, il faut absolument que les carrefours d'énergie, communément appelés centres d'énergie, mais disons c'est une fausse appellation, les carrefours d'énergie, c'est ça les chakras, que ces carrefours d'énergie-là cessent de stocker l'énergie, mais pour la relaisser couler librement dans l'homme comme chez l'enfant, qui, comme tel, est androgène, sauf de par la génétique, avant de laisser les carrefours d'énergie redistribuer l'énergie, il faut qu'ils soient remplis. Parce que l'homme n'a pas le quota total d'énergie vitale et solaire et tellurique en lui pour permettre aux cellules de pouvoir, premièrement, se procréer, donc se diviser, se multiplier, en gardant le même quota de vitalité, ce qui va évidemment amener à la longue une vie éternelle dans le domaine de la matière, tant que l'être mental va décider qu'il en a besoin, parce qu'après ça, il emporte son corps à sa mort, ça va de soi. Comme le Nazaréen a fait, lui a désintégré son corps, mais disons que c'est similaire. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, l'homme n'a pas le quota vital suffisant, il va donc l'accumuler d'un centre d'énergie à l'autre, ce qui va évidemment augmenter son schéma vibratoire dans la vitalité, ce qui va pousser l'astral à augmenter le sien, ce qui va automatiquement pousser le mental à se développer. Et quand l'individu arrive à pouvoir physiquement avoir rempli ses carrefours d'énergie, les chakras, automatiquement, il développe la région endocrinienne qui est correspondante. Alors, si plus tu vas monter, tu vas finir par arriver au cerveau, où tu as deux glandes principales, la pituitaire et la pinéale. Et quand l'individu arrive à pouvoir canaliser, c'est-à-dire pouvoir ramasser le quota d'énergie, donc remplir tous ces carrefours d'énergie-là, qui sont des centres, disons, à cette époque-là, parce qu'ils sont des condensateurs, des chaudières en kilomètres d'énergie. Quand tout ça c'est plein, tu fermes les deux soupapes, tu verses toutes tes chaudières. Alors là, l'énergie sort des centres, des carrefours, et circule chez l'homme totalement, remettant la glande pinéale en fonction, parce que chez l'enfant, elle fonctionne, une petite échelle, et développant le reste des mécanismes de la glande pinéale, qui va amener l'homme, à un moment donné, dans son corps physique, il reste, parce que la génétique l'oblige, hein, la descente aussi, il reste sexué. Bon, descente, évidemment. Alors, l'individu est sexué, par contre, il n'a pas de sexualité à l'intérieur de lui. Alors, disons que c'est pas tout à fait pareil. Quand tu mentionnes qu'il y a déjà des individus de la sixième race... Sous-race. Sixième sous-race, excuse, c'est ça qui est bien écrit, c'est moi qui m'en dis. À quoi les distingues-tu? Moi, je les distingue, mais je ne vous dirai pas comment. Et pourquoi ces personnes sont-elles à ce niveau? Est-ce qu'ils ont vécu plus d'expérience? Merci. Bon, premièrement, être au niveau de la 5e, 6e ou 7e sous-race, ce n'est pas des niveaux. Ce sont des phénomènes génétiques normaux. Tous les enfants qui naissent présentement font partie de la 7e sous-race. Les enfants qui restent, qui vont naître de certains parents peuvent faire partie de la 6e sous-race. Il n'y a plus un seul enfant qui vient au monde présentement qui fait partie de l'air du poisson, c'est-à-dire de la 5e sous-race, de la 5e race mère, la blanche. Un individu qui naît 5e sous-race peut lui-même finir par avoir un potentiel mental typique de la 6e ou de la 7e sous-race. Alors, ce qui fait que les enfants, présentement, font surtout partie de la 6e et 7e sous-race. Les adolescents, 6e sous-race, quelques rares 7e sous-race. Et plusieurs des individus, même vivants, même présentement ici dans la salle, font partie de la 6e ou 7e sous-race. Maintenant, ce n'est pas des niveaux, ce sont pas des phénomènes biologiques, c'est une race. Ça part à leur rapport à la génétique. Plus l'homme évolue, plus les enfants sont supérieurs, et plus les enfants sont supérieurs, plus leurs enfants sont supérieurs génétiquement parlant, donc biologiquement parlant, ce qui veut dire aussi cérébralement parlant. Et ayant un corps physique plus puissant, mieux fait parce que donné par les parents, alors ils peuvent donc recevoir et manipuler des énergies qui sont plus fortes ou supérieures, soit en qualité, soit en puissance, soit en quantité. Alors, ce qui fait que c'est, disons, ça qui détermine une 5e, 6e ou 7e sous-race. Mais on s'en fout. Le Nazaréen faisait partie de quelle sous-race? Ben, il est bien, bien en avance de 7e sous-race, en tout cas. Lorsque les gens qui naissent présentement, qui font partie de la 6e ou de la 7e sous-race, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'il peut y avoir parmi ces gens-là, c'est-à-dire parmi ces entités-là, une précipitation aussi pour qu'ils aient attendu le temps venu? Le temps, c'est une chose qui est illusoire, qui est réelle en même temps. Hein? Et une chose qui est réelle et illusoire, c'est une chose qui est donc vraie et fausse en même temps. Donc, le temps, c'est relatif. C'est ça, c'est la relativité. Et dans la matière, tout ce qui s'exprime dans le temps matériel doit le faire quand la matière est prête à l'exprimer. Alors, si tu as n'importe quel phénomène d'évolution, ben tu ne pourras pas les exprimer dans la matière si la matière n'est pas prête à les exprimer. Alors, veux pas, n'importe quel genre d'individu, 6e, 7e sous-race, ou même 1e sous-race de la 6e race mère, la race bleue, l'individu ne sera pas bleu, là, c'est pas les bébés bleus qui naissent, ceux qui manquent de glycogène à la naissance. Mais ce qui va arriver, c'est que il va de toute façon falloir attendre que la matière permette à l'énergie de s'exprimer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 6e ou de 7e sous-race blanche de 200 ans ou de 300 ans. Parce que la race n'est pas prête. On dit que normalement, dans l'incarnation, il n'y aurait pas précipitation ou il y aurait tendance à avoir moins de précipitation. Pour éviter la précipitation imbécile de l'astral, il y a donc manipulation par les énergies intelligentes sur la Terre qui va faire en sorte que dans la région ou dans les régions où il y a la naissance de la 6e et 7e sous-race, ce qui est en Amérique du Nord, ça va de soi, eh bien, il y aura moins de naissances d'enfants. Donc, automatiquement, tu obliges, même s'ils sont pressés à revenir, la gang en haut, là, ben, t'es obligé à pas pouvoir venir parce qu'il n'y a plus d'enfants qui naît. Bon, il y a des états biologiques et physiques et géologiques que l'homme va traverser Et après ces états-là, ben là, évidemment, il va y avoir une pénurie peut-être un peu d'humains. Et puis là, on va remettre sur le marché les enfants. Et puis là, ils vont pouvoir se réincarner en masse. Alors, ce qui fait que s'ils sont trop pressés, ben, ils pourront pas le faire. Alors, quand ils vont pouvoir le faire, c'est-à-dire quand la matière va permettre la naissance d'enfants bien préparés, avec un système d'éducation fait par l'intelligence au lieu d'être fait par l'émotivité, hein, ben, automatiquement, les entités prêtes vont pouvoir se réincarner à l'intérieur de ça. Et là, ils vont pouvoir parfaire leur chemin. Alors, présentement, ils auront beau se presser, il y a de moins en moins de natalité. Il y a évidemment des natalités, mais il y a des natalités en même temps. Et puis, les individus qui naissent présentement à l'intérieur de ces enfants-là, c'est des individus qui vont devoir, qui sont précurseurs. Et les précurseurs, c'est des pionniers, c'est des défricheurs, et puis c'est évidemment ceux-là qui vont devoir évoluer plus vite. Et pour évoluer plus vite, ben, c'est aussi ceux-là qui vont souffrir le plus. Oui, car c'est toujours plus difficile de défricher que de semer et ouais. De récolter. Tu risques bien plus de te donner un coup de hache quand tu bûches que quand tu bûches pas. À moins que tu sois pas mal. Est-ce qu'il y a des affinités, Daniel, avec les gens de la cinquième race, la cinquième sous-race, la sixième sous-race? On sait que des gens, disons, pour la forme, là, signent pas un contrat, mais des entités qui s'incarnent ont un contrat en venant sur Terre. Est-ce qu'il y a une affinité ou une famille, si on pourrait s'exprimer ainsi, dans la cinquième, dans la sixième? Dans la cinquième, presque pas. Elle est naissante, disons que la famille, c'est-à-dire que par vibration, les enfants de la sixième et septième sous-race qui vont réussir à personnaliser leur astral, donc qui vont réussir à s'éloigner de l'assujettissement de l'astral de masse, c'est-à-dire les jeunes qui vont avoir leur propre idéal, leurs propres idées au niveau de la mode, pas les jeunes qui suivent la mode totale de la masse, c'est-à-dire que toutes les fois qu'un individu est de masse, il n'est pas personnalisé. Il a une personnalité, mais il n'est pas personnalisé. Et l'individu qui va personnaliser son astral, donc commencer à identifier son mental, puis lentement l'amener à sa personnalisation, donc l'individu qui va avoir un phénomène émotif astral typique de lui, pas typique de la masse. Tout le monde fait ça, puis lui, ben lui, il réagit pas pareil. Lui, il est personnalisé au niveau de son astral, donc au niveau de son ego. Ben, automatiquement, ces entités-là vont avoir des relations secrètes, vont avoir des affinités dures à définir présentement parce que la langue française, disons, on va finir par rajouter les mots qui manquent. Ces enfants-là ou ces adultes-là finissent par avoir des relations, des contacts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, ils tombent pas en amour. Homme, femme, ou jeune, ça n'a pas d'importance. Mais il y a une complicité, disons que c'est le terme. Il y a une complicité qui va s'élaborer à travers certains individus qui font partie de la sixième ou de la septième sous-race et qui va justement leur permettre, même de vivre en société, il se passe un événement, ces deux-là vont se regarder, vont comprendre qu'ils sont de la même race, qu'ils comprennent, même s'ils ne savent pas, ils vont vivre l'événement similairement, mais de manière différente du reste de la masse. Un accident d'automobile, par exemple. À un moment donné, tu regardes, tu lèves les yeux, puis tes yeux tombent dans une autre. Puis il se passe rien, mais toi, tu vois différemment parce que toi, tu es différent, puis tu sais que l'autre est différent. Autrement dit, deux extraterrestres pourraient se rencontrer sur la Terre de deux planètes différentes. Ils verraient tous les deux qui ne sont pas de là, mais ils ne sauteraient pas des mains, ils ne diraient rien, c'est quelque chose de normal, puis ils continueraient leur chemin. Mais les enfants de la sixième et septième sous-race ne sont pas extraterrestres de par leur naissance. Je donne un exemple pour faire comprendre le phénomène. Alors, il y a une complicité, mais qu'on peut pas palper. Alors, ce qui peut finir lentement. Il n'y a pas de raison pour la logique, disons, de l'ère du poisson, donc de ceux qui sont encore cinquième en descendant. Il y a une complicité et il y a un attrait. Mais c'est pas l'ego qui va découvrir l'attrait. Il va le découvrir lui-même, ça va lui donner une certaine forme d'assurance, mais il ne l'exprimera pas comme ça s'est passé dans l'ère du poisson, ou ce que tu fais, c'est le mariage, ou ben non, coucher ensemble, etc. C'est pas le phénomène de la sixième sous-race. C'est plus vibratoire. C'est juste vibratoire, mais donc pas physique. Et puis, c'est une complicité. Tu sais que l'autre sait, tu sais sais que vous êtes peut-être différent des autres, peut-être différent l'un de l'autre, mais plus pareil que toi par rapport aux autres. Puis ne pense à rien de plus. Il n'y aura pas de vouloir rencontrer ou de vouloir suivre, etc. Curiosité, complicité, puis c'est tout. T'as pas besoin d'aller fouiller chez les individus. Non, parce que c'est pas au niveau de l'ego que ça va se passer. C'est pas au niveau de la psychologie, c'est au niveau du mental. Et plus ça va aller, plus ces entités-là vont finir par, ils vont en avoir de plus en plus. Et ils vont se ramasser d'un coup, ils sauront pas pourquoi, puis ils sont quelque part, puis d'un coup, ils en découvrent d'autres, mais disons que c'est très, très, très, très, très commençant présentement. Mais dans les enfants, ça va être de plus en plus traumatisant, disons, pour la société en place. Mais il y a déjà un commencement qui est fait. Ah, évidemment. Bonsoir, Daniel. La conférence de ce soir fait que je ne comprends rien. C'est quoi la mémoire volatile? C'est quoi le père-esprit? C'est quoi l'ego qui s'identifie à lui? C'est quoi des êtres en contact avec des faits mémoriels présents? C'est quoi la race adamique? C'est tout. Merci, Lise. Mais ce qui est bien, c'est que du moins, elle a retenu ce qu'elle n'avait pas compris. Bon, alors disons que je pense qu'encore qu'on peut expliquer plusieurs choses à l'intérieur de ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs individus qui comprennent, mais je veux dire, c'est juste des morceaux de casse-tête. Première chose, évidemment, disons, Lise, ce que tu pourrais faire, c'est que fouiller dans les titres de conférences que j'ai déjà fait, ou encore fouiller dans des titres de livres, peut-être, pour, disons, reprendre le temps perdu, si on peut dire. Mais la mémoire volatile, c'est un terme qui définit, dans la psychologie normale, les phénomènes inconscients de l'homme, sa mémoire subconsciente, c'est tout un paquet de termes qui se mélangent. Dans la psychologie contemporaine, le subconscient peut aussi bien désigner la mémoire volatile que l'ego. Disons que toute l'expérience qu'un individu accumule tout au long de sa vie, toute l'éducation, tu as déjà appris la géographie, Lise, mais tu n'es pas géographe, donc ce n'est pas ta personnalité, tu n'as pas été transformé par la géographie à l'école élémentaire. Par contre, toute l'information est dans ta mémoire, pareil. Mémoire avec laquelle tu peux travailler ou peut-être que tu ne peux pas travailler, mais elle est quand même enregistrée en mémoire. Si je t'hypnotise, je peux te faire fouiller là-dedans. Tout ce qui n'a pas transformé ta vie, mais que tu as appris, c'est ta mémoire volatile. Donc, tout ce que tu as appris manipule quand même ton ego. À un moment donné, tu vois un scorpion, puis hop, t'as peur. Parce que la mémoire volatile, tu sais qu'un scorpion, c'est dangereux, tu as vu ça dans Tarzan. Et puis, tu vois un scorpion sur ton plancher de cuisine, et puis tout d'un coup, tu réagis. Ça, c'est la mémoire volatile qui a enregistré ça. Par contre, un bonhomme qui passe sa vie dans la jungle, ben le scorpion, tout le phénomène de tout ça au complet, c'est son ego à lui. Quand il va voir une Volkswagen se promener dans la jungle, là, il va avoir le même phénomène, parce que ça, c'est dans sa mémoire volatile. Tout ce qui ne transforme pas ta vie, donc qui ne s'agglomère pas à ton ego, hein, un idole, par exemple, tout le monde veut, mettons, on a une idole dans la vie. Ça peut être Superman, ça peut être Michael Jackson, ça peut être le pape, ça peut être le premier ministre, ça peut être n'importe qui. Alors, l'idole, c'est parti un peu de l'ego, parce que tu limites, tu transformes par rapport à lui. Mais tous les autres chanteurs, ou tous les autres papes, ou toutes les autres affaires, tu les connais. Mais ça, c'est dans ta mémoire volatile. Volatile, pourquoi? Parce que non identifié, c'est volatile à l'intérieur. Ça ne transforme pas ta vie. Mais si tu te mets à jouer au baseball à un moment donné, ben là, Gary Carter, il peut devenir important pour toi. Puis si tu veux le limiter, ben lentement, il bâtit ton ego. Mais les autres joueurs ou les joueurs de hockey, ben ça, c'est les mêmes, si tu le vois de temps en temps, c'est volatile, c'est-à-dire que c'est pas aggloméré ton ego, ce n'est pas toi. Mais c'est des connaissances que tu as, mémoire volatile, et ces connaissances-là peuvent manipuler ton ego. C'est quoi le père-esprit? Père-esprit, ce n'est pas le père de l'esprit, c'est l'esprit périphérique. Mais le père-esprit, disons, c'est un terme un peu... c'est un terme qui vient de l'Antiquité, et... À cette époque-là, l'esprit était l'astral spirituel et la périphérie de l'esprit, le père-esprit, était l'entité périphérique à l'âme. Alors, père-esprit pour périphérie à l'âme, esprit périphérique, mais aujourd'hui, l'esprit tel que nous, on peut le concevoir, ça peut être le mental ou ça peut être encore le supramental. Donc, la périphérie intérieure de l'esprit est le père-esprit. C'est quoi? C'est simplement une espèce de couche dans la psychologie qui empêche la psychologie des autres de se mêler à la sienne. Autrement dit, une personne qui est facilement susceptible, pas susceptible, mais manipulée, une personne qui est sensible, une personne, par exemple, qui est un bon sujet lors de séances d'hypnose, est une personne qui a un pire esprit qui est très faible. Elle est facilement influençable par n'importe qui. Autrement dit, la personnalité mémorielle d'un individu Ben moi, je pense à côté de toi, puis moi, mon esprit, mon père esprit, il vient bousiller le tien, puis je manipule un peu chez vous. Alors, j'ai rien qu'à te dire, il annonce un cataclysme pour demain, tout de suite, t'as peur. Parce que t'es manipulé par tout ce que je veux t'envoyer. Alors, le père esprit, c'est une enveloppe qui, justement, retient tes mémoires, ton expérience à toi, et ton ego est au centre. Et quand tu te promènes, ben, à un moment donné, si tu rencontres un autre individu qui a une harmonie au niveau de l'âme, ben, les deux pères esprits peuvent s'ouvrir et il va y avoir échange. Tu te sens bien avec, c'est sympathique. Un individu qui, vibratoirement parlant, ne fait pas, ton père esprit se referme, il se densifie et tu le trouves antipathique. Donc, le père esprit, c'est l'enveloppe protectrice de l'âme. L'ego qui s'identifie à lui. Ben, vois-tu, c'est que l'individu même, l'homme, la femme, croit être quelque chose. Et ça, c'est une identification. Moi, je me fous de mon corps physique. Mais l'autre, son corps physique, c'est extrêmement important. Parce que toi, tu t'identifies à ton corps physique, puis l'autre ne s'identifie pas à son corps physique. Il y en a qui s'identifient à leur auto. Bon, il y en a qui s'identifient à leur femme, à leur mari. Il y en a qui s'identifient à leur bulldozer, par leur gros tracteur de vanne. Il y en a qui s'identifient à leur bistouri. Mais c'est quoi ça, c'est l'identification que tu as de toi? Si je donne un coup de marteau sur ton char, ou je fais un glace à lire, ça mal, ça te pogne. T'es identifié au char, tu penses que c'est le char, inconsciemment, mais le char fait partie de toi. Alors, l'identification de l'ego, c'est tout ce qui vient bâtir l'ego. Alors, si toutes les fois que ton orgueil est attaqué, c'est que je viens de toucher l'identification que tu as de toi. Alors, si je te dis, tu es laide, tu t'en fous, c'est parce que tu t'identifies pas à la forme de ton corps physique. Mais si ça te frustre, ça te fait quelque chose, tu t'identifies, c'est important pour toi. Parce que quand je te dis que tu es laide ou laid, ben le mot pour toi devient une chose, puis tu dois prouver que c'est faux, puis tu dois te débattre là-dedans, tu t'identifies à quelque chose. Alors si je rentre ici, puis je trouve que c'est laid à mort ici le salon, ben le propriétaire du salon peut être frustré. Parce que ce qu'il a créé, il s'identifie à sa création. C'est comme si je l'attaquais lui en attaquant son salon. Et si je t'attaque le corps, tu penses que je t'attaque toi. Donc, tu t'identifies à ton corps. Puis si j'attaque tes idées morales, ben, tu es encore attaqué. Donc, tu t'identifies à tes idées morales, à tes concepts, à tes croyances. Tout ça, c'est l'ego. C'est quoi des êtres en contact avec des faits mémoriels présents? Un fait mémoriel présent, ça a l'air d'une chose qui est ridicule. Mais n'importe quelle mémoire est présente. Elle est présente, mais elle n'est pas à notre conscience. Parce que si vous pouvez vous rappeler, exactement comme si je prenais une bobine d'un film qui dure 2 heures, bien, toutes les photos, le 2 heures du film, il est contenu immédiatement dans le présent, dans ma bobine. Et il me faut un appareil pour que moi, je puisse l'enregistrer. Mais une fois que c'est dans ma mémoire, c'est contenu immédiatement dans ma mémoire. Je peux y avoir accès ou non. Mais c'est contenu immédiatement dans ma mémoire. La mémoire, elle reflète des choses passées. Mais la mémoire, elle est présente. La mémoire, elle n'est pas passée. La race adamique, c'est simplement la race... Dans la Bible, on appelle ça Adam et Ève. Et la race adamique, ben, c'est simplement une race totale qui a été décrite dans la Bible sous le terme Adam et Ève, comme étant deux individus créés par Dieu à leur image et à leur ressemblance, comme on spécifie dans la Genèse. Et Dieu dit, faisons, pluriel, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est simplement une race qui a été amenée sur la terre, qui s'appelait, ben, disons qu'on appelle dans le domaine humain, la race adamique, qui est la race dirigée par un individu qui pourrait s'appeler Adam, disons, c'est ce qui était dénoté au niveau de la Bible. Alors la race adamique, c'est une race qui a été mêlée à la race humaine pour tenter de sauver une gaffe qui avait été faite, mais là, disons que je veux pas trop descendre en arrière, qui a été une gaffe, disons, qui a été faite au début par le créateur de cet univers-là. Et puis, problème avec, disons, certaines formes d'entités du nom de Lucifer et Satan. Et puis, pour compenser, pour corriger ce problème-là, il y a une chose qui a été tentée au niveau de la race adamique. Et le serpent, c'est-à-dire que, disons, que Ève a été tentée par, non pas un serpent, mais par une forme similaire au serpent, par la race humaine, par les mâles de la race humaine, et à un moment donné, ben, ils ont voulu faire leur effort pour aider plus Dieu, qui, selon eux, ne comprenaient pas parce qu'ils s'identifiaient un peu trop aux autres. Et il y a eu mixage, c'est-à-dire accouplement entre la race adamique et la race blanche humaine avant le temps. Alors, la race adamique, c'est les Adam et les Ève. Il y en a eu plusieurs. Pourquoi la nuit est-elle noire? N'est-elle pas sans relation avec l'expansion de l'univers, Gilbert? La nuit est plus noire au Canada, hein? Non, la nuit est noire simplement parce qu'on est éclairé par un soleil et que quand la Terre vire de bord, ben, le soleil est plus éclairé, donc la lumière ne se rend pas. La lumière voyage d'une façon non linéaire, c'est-à-dire que si la lumière passe au-dessus d'un trou, ben, elle va éclairer le trou. Ça a déjà ça de bon. Par contre, elle ne peut pas faire le tour de la planète Terre. Alors, les nuits sont noires. Et l'expansion de l'univers n'a pas, c'est pas ça qui donne le fait qu'on a des nuits noires. C'est juste l'absence de lumière. Et l'absence de lumière, ben, a symbolisé dans notre conceptualisation de l'évolution astrale, l'absence aussi de connaissances. Donc, l'appel des forces du mal, l'appel de toutes les forces maléfiques. Maintenant, la lumière ne chasse pas le diable ou les forces maléfiques. Et le noir ne les appelle pas non plus. Par contre, l'individu qui est astral, donc, l'astral de l'homme, l'ego, la psychologie de l'homme qui a peur, ben, quand elle n'a pas ses sens pour fonctionner, pour découvrir, pour vérifier l'extérieur, ben, automatiquement, elle a peur. Alors, automatiquement, dans le noir, les yeux ne fonctionnent plus, ce qui est très important chez l'être humain, et automatiquement, il a peur. Ayant peur, il baisse son taux vibratoire. Baissant son taux vibratoire, il attire donc des formes d'énergie bassement vibratoire, les forces du mal, et les forces du mal apparaissent donc plus souvent la nuit que le jour. Mais c'est un phénomène simplement d'attraction chez l'homme. L'expansion de l'univers, ben, ça n'a aucun rapport avec le fait que nos nuits sont noires. C'est simplement le fait que si on aurait deux soleils, d'ailleurs, on serait bien embêté avec deux soleils, un chaque bord. Alors, on aurait des journées totales, on aurait de la lumière en masse, puis les plantes pousseraient beaucoup, mais l'homme dormirait mal. Ça aurait un beau temps, en tout cas. Puis tous ceux qui travaillent de nuit perdraient le job. Alors, vois-tu? Daniel, si, vu qu'on est dans la noirceur ou la nuit, est-ce qu'on peut se parler des secrets de la nuit? Ah oui. Certains initiés prétendent avoir découvert que lorsque l'être dort lors de son sommeil, on sait qu'il y a 7 niveaux, 7 corps. Alors, il y a le corps physique, le corps vital, astral, mental, supramental, bouddhique, divin. Je vais finir, ok? Tu feras la rectification à ce que j'exprime. Et puis, lorsqu'il y a sommeil, le corps physique, naturellement, est englouti dans le sommeil, mais que l'être a un contact avec l'astral pour une certaine période de temps. L'être a un contact avec le mental pour une certaine période de temps. Là, je parle d'un sommeil normal. L'être a un contact avec le supramental pour une petite période de temps. Avec le niveau bouddhique pour une très petite période de temps et avec le niveau divin pour une très, très petite période de temps. Alors, moi, je te dis, c'est que, comme tel que j'ai mentionné tantôt, certains grands initiés ont prétendu avoir connu ça. Et de ce fait, ils expliquent ceci, que lorsque le niveau divin est atteint, ce qui serait environ 30 secondes de pénétration dans ce plan-là, c'est à ce moment-là que l'être est régénéré de force vitale pour passer une autre journée. Tu sais, c'est ceux qui dorment bien, disons. Et on explique par ceci que, justement, les yogis qui, en Inde, pas tous, parce qu'ils sont très peu, ceux qui sont arrivés à dormir seulement, qui dans le passé, surtout, je pense, qui arrivaient à dormir seulement 3-4 minutes par 24 heures, c'est qu'ils s'étaient entraînés à monter et prendre et aller dans ce plan qui est le plan divin. Bon. Maintenant, ces êtres-là qui ont enseigné ça, parce que l'homme a eu connaissance par différents catalyseurs planétaires de connaissance, des formes d'énergie, l'homme a eu connaissance de ces 7 plans-là, qu'ils existaient. Et l'homme n'a pas de corps supramental présentement. Certains hommes commencent à être en contact avec, mais l'homme n'a pas de corps supramental. L'homme n'a même pas un corps mental terminé. Excusez-moi, j'aurais dû dire plans à ce moment-là. Même les plans. Ce qui arrive, vois-tu, c'est que pour voyager un plan supramental, c'est pas une entité astrale qui va aller faire un tour là. Mais bien malvenu. C'est-à-dire que comme qu'on explique ça, je l'ai peut-être mal expliqué, là, mais celle que c'est expliqué, c'est que... Quand l'homme dort, le corps physique, lui, n'a pas besoin de repos. C'est le corps physique qui a besoin de repos, OK? Le corps physique, le corps se repose pas. Bon, le corps se repose, c'est-à-dire que le corps a un battement, un repos. Un battement, un repos, un battement, un repos, c'est suffisant. Bon. Et tout l'organisme physique, c'est la même chose. Par contre, la vitalité de l'homme peut perdre. Donc, l'homme, dans le sommeil, c'est-à-dire que l'homme, quand il a un corps physique qui ne dépense pas d'énergie vitale, peut recapter de l'énergie tellurique. Et c'est surtout la nuit que tu auras une recrudescence d'énergie tellurique parce que l'énergie tellurique vitale va être écrasée dans la journée par la puissance d'énergie tellurique solaire. Donc, si tu rentres dans le bois le soir, tu as une vibration absolument différente que quand c'est en plein jour. Pas juste psychologiquement, tu le sens. C'est le moindre moment, tu as une affinité vitale. Alors donc, l'homme, en immobilisant son corps, peut permettre, vu qu'il n'a pas l'habitude, la captation d'énergie vitale. Mais ça, tu couches à terre, tu relaxes, c'est suffisant. Par contre, ça ne te repose pas. Ou tu médites, c'est suffisant. Ben, l'important, c'est que ton corps bouge pas. Bon. Mais ça ne te repose pas. Ce qui va arriver, c'est qu'au niveau astral, et c'est l'astral, c'est la psychologie de l'homme, qui, lui, a besoin d'être réénergisé. Parce que ce qui est paresseux dans l'homme, pas le physique, c'est ta psychologie. Si tu ne veux pas te lever le matin pour aller travailler, c'est parce que tu vois tout ce qui se passe là. Mais si le feu de pogne chez vous, tu vas te lever en tabarouette, le physique est toujours prêt. Mais ta psychologie astrale, elle ne l'est pas nécessairement. Alors, l'astral a besoin de se réénergiser, donc de se revitaliser au niveau astral, pas au niveau vital, ni physique, ça va de soi. Et lui seul sort, donc tu as une extra-conscientisation astrale, ce qui est connu communément sous le terme voyage astral, mais tu ne voyages pas. Hein, ta conscience, disons, s'en va se placer ailleurs, mais il n'y a pas de voyage comme tel avec un corps astral. Et ce qui va arriver, c'est que dans le domaine de l'astral, comme dans tous les autres domaines, tu as une représentation minuscule des traces qui ont été laissées jadis, quand je dis jadis, c'est il y a de cela très jadis, par des entités ou par des formes d'énergie de ces plans-là, qui, eux, sont limités, c'est-à-dire qui sont contenus dans l'espace-temps de nos super-univers, ce qui fait que pour l'instant, on n'en parle pas trop. Bon. Revenons à notre galaxie et à notre Terre. Et si tu arrives, toi, en partant dans l'astral, à visiter différents plans de l'astral et à aller, c'est pas nécessaire que tu traverses tous ces plans de l'astral, le plan astral physique, qui est l'enfer pour une personne qui meurt, le plan astral vital, le plan astral astral, qui est le domaine de la manipulation humaine, le plan mémoriel, donc de la trace vibratoire laissée par ce que le Nazaréen a fait. Donc, l'astral mental, l'astral bouddhique et l'astral supramental, l'astral bouddhique et l'astral divin. Quand on entre, ta conscience astrale réussit à aller se placer, pas 15 minutes, à aller juste passer là puis revenir dans le corps physique, tu te réveilles et tu es totalement réénergisé. Ce qui fait que si tu peux faire une extra-conscientisation astrale consciemment, ça va de soi, tu es capable de fermer les yeux, d'ouvrir les yeux et tu es fin prêt. Et tu es capable de ne pas fermer les yeux pantoute et de ne jamais être fatigué. Donc, l'individu qui dort pendant 2 jours, qui se réveille aussi fatigué, c'est simplement qu'il y a les problèmes au niveau de son astral ou de l'astral local ou de l'astral national ou de l'astral planétaire. Disons que ce n'est pas le cas pour l'instant, mais local, national, ça peut arriver local et surtout individuel, va faire en sorte que l'individu, de par son schéma vibratoire, ne va voyager que dans des endroits de l'astral qui vont l'empêcher d'aller justement monter dans l'astral spirituel où il va être réénergisé pour pouvoir se réveiller en forme. Alors l'individu se couche à 9h, il se lève à 9h, dormit 12h, aussi fatigué que s'il n'a pas dormi. Un autre individu qui à un moment donné commence à se conscientiser ou qui de par son phénomène vibratoire astral vibre bien, lui il se couche, il dort 5h, il dort 4h, il se lève en pleine forme. Plusieurs fermiers vont faire ça parce que au moins eux, travaillant dans la nature, n'ont pas de perturbations astrales comme l'individu qui va vivre en ville, et surtout ont le contact avec l'énergie tellurique et solaire d'une façon beaucoup plus pleine, parce que solaire, tu l'as en prenant du soleil, mais tu l'as en mangeant des légumes et des fruits qui sont verts, qui sont, banane verte, c'est compliqué, mais disons qu'ils sont mûrs. Alors, ce qui va arriver, c'est que le fermier, lui, va pouvoir récupérer plus facilement, parce que l'astral ne l'empêche pas de monter haut lors de son sommeil, et, vitalement parlant, ben, il est quasiment tout le temps en forme. Alors, ce qui fait que l'individu qui dort, même le grand initié, évidemment, on a initié puis initié, là, mais le grand initié humain, ben, lui, avec, dort simplement, sauf qu'il a la possibilité par attraction ou par conscientisation, de pouvoir déplacer sa conscience astrale. Déplaçant la conscience astrale, tout le phénomène neurologique va pouvoir travailler d'une façon plus relaxe. Il y a le rêve, il y a plusieurs choses qui vont se passer parce que la conscience reste en contact quand même avec les mémoires. Donc, la conscience matérielle continue à enregistrer. Et si tu vas dans cette région-là de l'astral, tu fais juste passer, tu reviens, tu es en forme. Le problème chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme descend dans un sommeil de plus en plus profond, c'est-à-dire que la conscience s'éloigne de plus en plus de l'homme. Et si tu tombes tout de suite dans un sommeil profond, donc ta conscience est carrément partie immédiatement et tout de suite, tu peux aller plus rapidement dans l'endroit de l'astral où ton astral, ta psychologie va être réénergisée et tu peux te réveiller. Mais c'est ça qui est le phénomène. Mais disons que les autres plans, présentement, l'homme a un corps physique, l'homme a un corps vital, l'homme a un corps astral, l'homme a un début de corps mental, l'homme a des maladies astrales, l'homme a des maladies vitales, l'homme a des maladies physiques, l'homme n'a pas de maladies mentales. Quand je parle du mental, évidemment, je parle du mental en termes de corps mental, je parle pas du mental comme on l'a dans le petit Larousse, dans le petit Robert. Et l'homme n'a pas de corps supramental. L'homme commence à être en contact avec certains individus, puis pas mal d'individus au Québec, avec l'énergie supramentale, mais le corps mental n'est même pas finalisé. Le corps mental existe quand il y a une personnalisation, ou du moins une identification. Alors, à ce moment-là, l'initié qui avait découvert ça avait découvert une demi-vérité, dans ce sens qu'il avait vu un film et il pensait qu'il voyait la réalité. Exactement, parce que l'individu qui est capable d'aller dans l'énergie divine, c'est un individu qui a une conscience divine, parce que seul le divin est accepté dans le divin. Hein? Par attraction, l'aimant attire des choses métalliques. L'aimant n'attirera pas du bois. Hein? Faut une prime de bon aimant pour attirer du bois. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'astral peut pas voyager dans le domaine du mental, dans le domaine du supramental. Tu vois-tu l'astral dans le supramental, toi? Non, ça fait définitivement du sens, parce que le corps physique sauterait. Maintenant, comment expliques-tu, parce qu'on sait que tout est régi par la loi d'attraction et le taux vibratoire, et dans l'exemple que tu donnais tantôt, qui était très bien, que l'individu qui a un haut taux vibratoire et qui peut dormir immédiatement en se couchant, il a accès à ces niveaux. Dormir immédiatement, mais descendre dans un sommeil profond. Dans un sommeil profond, c'est ça. Ah. Comment expliquer qu'il y a des gens qui ont un taux de vibratoire très bas au niveau astral et qui dorment seulement 3-4 heures par nuit? Bon, pour la simple raison que leur taux vibratoire, OK, est peut-être bas, mais n'est pas assujetti à des plans vibratoires qui sont plus bas. Le problème, c'est qu'est-ce qui détermine qu'un taux astral est bas? C'est l'âme. Et l'âme, elle, même si tu as, par exemple, l'âme, tu as le taux vibratoire de l'âme, ton taux vibratoire astral bas, l'âme est sale, on pourrait dire. Par contre, l'ego, c'est l'ego qui voyage. La conscience, c'est au niveau de l'ego, pas au niveau de l'âme. Ah, OK. Bon, mais les problèmes de l'ego, les merdes de l'ego, les handicaps de l'ego vont faire que lui va aller là ou non. Alors, un individu qui a un taux vibratoire astral bas, mais qui a un ego qui n'a pas de conflit, lui, ben, en voyageant, il voyage d'un endroit où ça va bien. Parce que la polarité extérieure de l'astral n'est pas la même polarité que chez l'individu, c'est-à-dire chez l'ego. Alors, on n'a pas la même chose. Ce qui est bon pour l'ego peut être très mauvais pour l'astral. Ce qui est mauvais pour l'ego peut être très bon pour l'astral. D'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive. Alors, ce qui fait que c'est l'ego, c'est la conscience astrale qui voyage et non pas l'âme qui se promène. L'âme reste au niveau du corps physique quand l'individu dort. Par contre, sa conscience s'en va ailleurs. Donc, l'individu n'a pas conscience du corps physique. Il n'a pas conscience de phénomènes extérieurs que le physique va capter. L'individu va avoir conscience qui vole. Bon, parce qu'il y a des phénomènes qui se passent. La conscience astrale est sur un oiseau, sur une feuille, sur le vent, sur les molécules d'air, sur un avion. Donc, l'individu vole. Et l'interprétation que l'individu va faire, ben évidemment, pour se rassurer, puis il peut se voir lui-même voler. Mais si l'individu se voit voler, c'est que sa conscience n'est pas dans lui. Il est ailleurs, vu qu'il se voit voler. Bon, il y a des phénomènes de même. Alors, c'est la conscience, c'est l'ego. C'est lui. Alors, même un individu qui a une astralité, disons, basse, ben son ego, lui, son état psychologique est comment? Ben, c'est cet état psychologique-là qui va déterminer la rapidité ou dans quel niveau de ton astral tu vas aller rêver. Donc, tu vas voyager. C'est juste ça qui détermine ça. Alors, c'est pour ça qu'un individu qui a un problème psychologique grave, ben, il va faire des rêves en rapport sur le problème psychologique. Pas en rapport avec l'expérience. Même s'il a déjà été médecin, même s'il a déjà été pilote d'avion, même s'il a déjà été n'importe quoi, ben, c'est son ego. C'est le problème de l'ego-là qui détermine ses problèmes psychologiques. Et les rêves vont être énergisé ou la source des rêves va être probablement l'endroit où il va dans l'astral. Oui, l'endroit où la conscience va être capable de communiquer l'information au mental, c'est-à-dire au cerveau. Donc, l'individu rêve, il peut se rappeler de son rêve. Par contre, l'astral, à un moment donné, c'est-à-dire que la conscience astrale va voyager dans des endroits tellement puissants que ça ne peut pas être interprété par l'ego. Donc, il voyage dans des formes d'énergie, ça parle d'autres langues, c'est mieux. Puis lui, il comprend pas. Symbolique. Oui, alors ce qui fait qu'il peut monter très, très, très haut au niveau des sphères de l'astral, aller dans l'astral supramental, dans l'astral bouddhique, dans l'astral humain, et dans une certaine région de l'astral, il va être réénergisé complètement. Mais c'est un astral qui n'est pas si haut que ça. Il est beaucoup plus proche de la planète Terre qu'on peut penser. Est-ce que à ce moment-là, plus l'individu évolue, moins symbolique seraient les rêves? Parce que les rêves, c'est très difficile à expliquer. Alors, c'est sûr qu'un rêve normal, un rêve, on le symbolise nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'ego refuse toujours d'accepter la réalité. L'ego transforme et l'ego ne croit pas quand le mental n'interprète pas. Et le mental va interpréter selon la logique de ses mémoires. Parce que le mental, ton intellect fonctionne à partir de ce que tu connais. Hein? Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ton rêve va avoir une certaine forme de symbolisme pour la simple raison que tous ces mécanismes-là sont en fonction. Mais normalement, moi, je rêve régulièrement, mais j'ai pas de message dans mes rêves, j'ai pas de symbolique dans mes rêves, je rêve des choses. Si je suis en contact avec un astral qui va se matérialiser, ben j'ai une idée de ce qui va arriver. Sauf que je sais pas un paquet de symboles. Je connais l'astral, je sais comment ça fonctionne, j'ai pas besoin de me faire des masques, des bebelles pour pas avoir peur. Puis quand l'astral me plaît pas, ben je la transforme. Je veux dire, on rêve ce qu'on veut rêver aussi à un moment donné. Mais il y a plus de symbolique dedans. Tu rêves pas à un cheval qui écrase une fourmi pour te dire que tu risques d'avoir un accident demain matin. C'est à un moment donné. Tu rêves que tu vas avoir un accident ou tu le rêves pas, puis tu peux avoir un accident comme tu peux ne pas en avoir, parce que l'astral, c'est trompeur comme tout ce qui est psychologique. Alors, ce qui fait que la symbolique des rêves... Tu viens de mentionner, Daniel, que lorsque tu rêves, tu contrôles, si j'ai bien compris, jusqu'à un certain point, comme que tu fais dans la vie, tu contrôles l'astral. Comment en es-tu arrivé à faire ça? Ben, c'est simple, en le contrôlant, en s'amusant, à un moment donné, c'est ça. De toute façon, j'aurais pas le temps de le dire. Est-ce que les lois sont les mêmes pour cela durant l'éveil et durant le sommeil? Un individu qui contrôle totalement son phénomène astral peut contrôler totalement sa psychologie astrale réveillée. Parce qu'un rêve réveillé où ce que le phénomène t'est apporté par tes sens, puis un rêve endormi où les informations sont apportées par les sens intérieurs, par tes mémoires, il n'y a pas grande différence. Sauf que tu vas dire, oui, mais mon corps n'est pas impliqué peut-être, mais la manière que tu réagis par rapport à l'événement, c'est la même chose. Un individu qui voit un monstre apparaître chez lui a peur. Un individu qui rêve à des monstres, il a peur aussi. À un moment donné, tu comprends ce qui se passe, tu contrôles ce qui se passe, puis tu manipules le manipulateur, puis c'est le mental qui permet ça. Ça va de soi. L'homme qui va être en contact ou qui est en contact avec l'énergie supramentale durant la nuit, qu'est-ce qui se passe comparé avec un individu qui... Individu qui est en contact supramental, c'est simplement parce que sa conscience astrale est capable de s'extraconscientiser, donc il dort. Et elle est capable de s'en aller dans une région où elle va pouvoir être énergisée. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de perturbation astrale, l'âme ne peut plus attaquer l'ego, la conscience de l'ego est ailleurs, dans un endroit qui est supramental, donc au niveau de l'astral, et donc il n'y a pas d'atteinte. Pendant ce temps-là, l'énergie supramentale peut descendre chez l'homme, par l'intermédiaire du mental, le transformer sans qu'il y ait de problème, parce qu'évidemment, la conscience astrale n'est pas là pour voir ce qui se passe. Hein? Elle est au chaud quelque part dans un grenier. Et puis, la transformation va se passer, donc l'individu va avoir un contact. Mais le contact se fait rapidement. Tu n'as pas un contact supramental toute la nuit, à moins que tu sois dans un état de conscience supramentale, mais là, ça n'a aucun sens. Regarde plus ce que je dis là. Alors, c'est une fraction de seconde, mais c'est ce que tu as besoin aussi pour te réénergiser au niveau de ton astral. Et c'est rien qu'à ce moment-là qu'il peut y avoir de sens. Sinon, tu es en voyage, tu informes ton mental, ton intellect de ce qui se passe, puis l'énergie supramentale ne peut rien faire pendant ce temps-là. Ça va toi. Est-ce qu'on sait que durant l'éveil, lorsqu'on a un contact supramental, on l'oublie automatiquement? Et puis ça ne sert à rien d'essayer de le retrouver, c'est important. L'astral peut se rappeler d'un contact supramental seulement s'il a été interprété et analysé par le mental. Parce qu'en fait, l'astral, elle ne connaît rien du supramental, ça ne peut même pas mémoriser quoi que ce soit. Il faut que le mental l'ait analysé avant.